Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur NextGen Auto. On est de nouveau ensemble pour la quatrième semaine consécutive. On va débriefer ensemble le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui a eu lieu hier soir et qui a été remporté par Oscar Piastri pour la troisième victoire de la saison du pilote australien devant Max Verstappen et Charles Leclerc qui signe le premier podium de Ferrari cette année. Donc voilà, on va revenir évidemment comme d'habitude sur le Grand Prix, sur les performances de chaque équipe, et on va commencer évidemment par les vainqueurs comme d'habitude, mais d'abord on va présenter qui est là ce soir. Il y a Franck avec moi, ça va Franck? Salut, ben écoutez, ça va très bien. Comme tu dis, 4 émissions de suite, mais 3e Grand Prix d'affilée. On commence un peu à avoir un petit peu mal aux mains, on va dire, mal à la tête aussi. Bon, ça va nous faire du bien de nous reposer un petit peu, mais comme tu l'as si joliment dit dans un Blue Sky récent, c'est vrai que la F1 a l'air de faire passer cette pause de 15 jours pour une pause, alors que c'était un peu la norme avant. Donc ça. Voilà, on va profiter bien de... Bon, c'était un week-end de Pâques en plus, hein, pour ceux qui fêtaient ça en famille ou autre. Donc, mais il y a quand même du monde sur le site, on en est bien content. Donc, et puis on a une course qui était, ma foi, pas si mal que ça. Oui, c'est une petite polémique. Avec une petite polémique. Voilà, la première de la saison, évidemment, ça devait finir par arriver. Voilà. Et puis voilà, on va pouvoir en reparler évidemment longuement, et avec Alex aussi. Ça va Alex? Ça va, bonjour à tous. Oui, effectivement, une course, une polémique. On a vu le meilleur de Verstappen, Dr Marx, avec un tour exceptionnel le samedi. On a vu aussi Mister Verstappen avec une action sale et beaucoup de mauvaise foi le dimanche. Donc voilà, contrairement à ce qu'on pensait, le Verstappen 2021 est toujours là, mais il va encore nous régaler jusqu'à la fin de l'année. C'est ça, moi je alors c'est pas contrairement à ce que je pensais, moi j'étais convaincu qu'il était toujours là et qu'il attendait sagement son heure. Et voilà, ça y est, t'es de nouveau catalogué. Oui, mais ça va vite partir évidemment. Alors effectivement, oui, non, mais petit coup de gueule du coup sur la F1, je vais le placer maintenant, mais c'est vrai qu'il y a eu cette espèce de, enfin surtout sur un peu les médias F1 aussi, qui gentiment hier ont dit, enfin notamment deux interviews de suite sur Fred Vasseur, où on lui a dit bon bah profitez bien de la pause et de votre repos tout ça, et il a dit, mais enfin il a rigolé en disant mais non, c'est pas du tout des pauses ou du repos quoi, parce qu'il y a que 2 semaines en fait, enfin il y a qu'une semaine sans Grand Prix, ce qui fait qu'en fait les équipes vont revenir le temps de revenir de là où ils sont, ils reviendront au milieu de semaine, et puis après il faut partir à Miami, donc littéralement 4 jours plus tard, donc c'est pas du tout une pause contrairement à ce que certains veulent essayer de faire dire. Et puis Manu, je t'arrête, mais on a publié un article aussi, c'était le 18 avril dernier, je vais mettre le lien dans le chat, où les pilotes ont déjà fait part de la fatigue, limite du burn-out des mécaniciens. Les pilotes, ils voyagent en business, donc ça va encore, mais c'est surtout les mécanos. On a eu par exemple Albon, qui est en plus dans une petite équipe, Williams, où les mécanos ne peuvent pas tourner, qui a dit, voilà, on est vraiment déjà à la limite, on est tendu, etc. Donc voilà, plus que 20 Grands Prix. Mais on est vraiment déjà voilà, dans une situation compliquée, encore plus dans les petites équipes qui ne peuvent pas tourner. Et encore, chez Williams, ça n'a pas eu, contrairement à l'an dernier, beaucoup de réparations encore. Et oui, parce qu'effectivement, on a eu 5 courses en 6 semaines sur 4 fuseaux horaires différents. C'est absolument n'importe quoi. Et c'est vrai que ça permet... Enfin, après, ça va se calmer un peu, évidemment, puisque du coup, on a quand même déjà fait... on a quand même déjà fait 5 courses, mais effectivement il va y avoir un peu plus d'horaires européens après Miami, des pauses de 2 semaines et tout ça, enfin des pauses d'une semaine sans Grand Prix, mais ça reste quand même un rythme soutenu, et on n'oublie pas qu'en fin de saison on repartira pour des enchaînements de 3 Grands Prix à l'autre bout du monde, donc avec des équipes qui auront une saison lourde. Et pour couronner le tout, la saison se termine début décembre et les premiers essais hivernaux seront très probablement fin janvier, puisqu'il y en aura beaucoup cette année. Donc en fait, il n'y aura quasiment pas d'intersaison, ce qui va ne pas aider les mécaniciens, mécaniciennes et puis tous les gens qui bossent dans les équipes. Voilà, ça c'était un petit peu... Il faut oublier qu'à l'usine aussi, normalement, la plupart du temps, ils suivent en même temps la course. Hein. Il n'y a pas que les... Oui, non, mais eux, ils n'ont pas les déplacements au moins, parce que c'est vrai que voilà, ceux qui ont les déplacements sont... Il faut bien se rendre compte que quand il y a un Grand Prix, beaucoup s'il est un peu loin, et même s'il n'est pas loin, pour les mécaniciens et les mécaniciennes qui mettent en place les garages et tout ça, c'est pas un déplacement de 3 jours, enfin, c'est pas un week-end de 3 jours, c'est un week-end de 6 jours, en fait, c'est une semaine quasiment. Oui. Et ces gens-là n'ont pas vraiment de vie de famille, n'ont pas vraiment de temps pour se reposer non plus. Et sont toujours en plus en décalage horaire quand c'est des périodes comme ça. David Jay, comme dirait Trentot, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à démissionner. C'est ça, j'allais dire que David Jay dans le chat disait, vu le rythme, ça ne donne pas envie de travailler dans ce monde. Et effectivement, c'est un peu la remarque que font certains, c'est que s'il n'y en a pas envie de travailler dans ce monde, on n'y travaille pas et puis c'est tout. Mais voilà, donc on va pouvoir... Et avec des salaires qui ne sont pas terribles, c'est les budgets plafonnés. Évidemment. Non, mais c'est vrai que c'est pas forcément viable à long terme, puisque voilà, le problème c'est qu'on a des saisons de 24 courses et qu'aujourd'hui on nous fait passer une pause. Enfin, avant c'était un Grand Prix toutes les 2 semaines quasiment, quand il y en avait 16 par an, et maintenant quand il y a une pause d'une semaine au milieu, on nous dit oh là là, c'est bizarre, on a le temps de se reposer, mais non, c'est pas le cas. On va donc pouvoir commencer le débriefing de cette 5e course de la saison avec McLaren, puisque Oscar Piastri s'est imposé de nouveau pour avoir signé la pole position, de nouveau comme à Bahreïn. Voilà, bah évidemment, alors c'est vrai que moi j'ai mis dans le titre de l'émission sur les réseaux que Oscar Piastri avait été le patron à Jeddah. C'est vrai que là on commence à voir un Oscar Piastri qui est particulièrement solide, qui a effacé pas la pole, oui pardon, la première ligne, excusez-moi, puisqu'il a été battu pour la pole par Max Verstappen. Oui, c'est bon, j'ai corrigé. Mais effectivement, donc, il était quand même en première ligne. Et puis, voilà, il a réussi à gagner pour la troisième fois de la saison. Et c'est vrai qu'on voit un Piastri qui ne fait plus d'erreur, qui est très rapide, contrairement à Norris, qui a fait une erreur en Q3 et a dû partir dixième et terminer quatrième. Alors, on voit déjà certaines conclusions tirées, comme quoi Norris n'aura pas voix au chapitre pour le titre mondial. On voit des gens qui disent que Piastri a pris l'avantage définitivement, mentalement et sportivement. Est-ce que vous, on va commencer par Franck, est-ce que toi tu penses que c'est le cas, ou est-ce que tu penses qu'il faut surtout pas enterrer Lando Norris? Alors, j'avais déjà fait la remarque lors de la semaine dernière sur Piastri, sur le fait qu'effectivement il commençait à prendre une taille patron chez McLaren, et ça semble se confirmer. Après, effectivement, de là à dire qu'il faut enterrer Norris, évidemment non. C'est vrai que Lando est du style à faire son autocritique en public, et ça a été d'ailleurs un des sujets d'ailleurs de la conférence de jeudi aussi, même avant même qu'il fasse sa boulette en qualif, en Q3. Et voilà, et McLaren, enfin son patron, a dit que c'était même quelque chose qui était apprécié, en fait, de sa part, puisque au moins il exprime les choses, il est exigeant envers lui-même comme envers l'équipe, et il vaut mieux effectivement dire les choses et ce qui va pas, que de les garder pour soi et tout ça. Et après, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a des pilotes qui le disent en public, effectivement, c'est le cas de Norris, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de pilotes le font aussi, mais en privé. Et c'est pas quelque chose d'inhabituel de faire son autocritique, en tout cas pour des pilotes de F1. Mmh. Surtout à ce niveau-là, c'est même encouragé, puisque pour avancer, il faut vraiment aller puiser au plus profond de son mental. Et quand vous avez quelque chose qui coince un petit peu, c'est très vite fini, hein, parce que le mental en F1, c'est quelque chose de particulièrement important pour la performance. Donc après, à chacun, effectivement, sa méthodologie, son processus, sa façon de fonctionner. Pour certains, ça se passe en coulisses, pour d'autres, ça doit se passer en public. Certaines personnes arrivent à tenir des secrets et à ne jamais les partager. D'autres ont du mal à tenir leur langue. C'est voilà, c'est comme tous les humains, tout le monde a sa manière de fonctionner et d'avancer dans la vie. Pour Norris, c'est effectivement s'exprimer. Après, effectivement, il a pris des risques qui n'étaient pas forcément nécessaires au moment où il les a pris, puisque on est quand même tous à peu près d'accord pour dire que il faut vraiment, au plus tôt, en général, enregistrer un premier temps en Q3 avant d'aller chercher vraiment l'ultime limite. Et là, il a fait une erreur bête, alors que des tours très rapides chez McLaren, ils en ont fait beaucoup durant tout le week-end. Ce qui d'ailleurs nous, on digressera peut-être un petit peu là-dessus tout à l'heure, sur le fait que McLaren, en fait, a vraiment une autre stratégie de travail sur les essais libres et les qualifications que les autres équipes, c'est-à-dire qu'ils vont très vite, très rapidement. Ce qui peut donner l'impression qu'ils vont dominer et qu'au final, c'est pas aussi dominant que ça. Mais je pense qu'on en parlera un petit peu après. Mmh. Ouais. Donc, pour la répondre à ta question, non, Norris, il est pas finito. C'était un mot qu'on avait utilisé la semaine dernière. Mais par contre, Piastri, effectivement, il est vraiment taille patron, et ça sera très très dur à battre quand même, je pense, pour Norris. Il va falloir être bien au niveau. Et toi, Alex, est-ce que tu penses que Norris a raison de montrer qu'il a des points faibles tout en les assumant et en disant je vais les surmonter, ou est-ce que tu penses que de parler de ses faiblesses dès le jeudi en conférence de presse, ça n'aide pas à se mettre dans un état d'esprit et ça peut provoquer à la limite le genre de problèmes qu'on a vu et de sortes d'erreurs qu'on a vu samedi? Non, moi je pense qu'il devrait pas, il devrait faire une bulle autour de lui, une bulle mentale, parce que ça agite tout un discours et il vaut mieux se construire une carapace. Moi j'en profite quand même pour appeler au calme et tous ceux qui disent que voilà, Norris est enterré, qu'il est fragile, etc. Bon, on parle quand même d'un pilote qui a battu encore une fois l'an dernier Piastri en qualif 21-3. Mais cette année, effectivement, il est plus sous pression, il commet plus d'erreurs. Et ça, c'est pas dit dans le championnat du monde et il est le premier à le savoir. Donc, il était quand même très rapide en course, hein, dimanche. Il a été même un peu plus rapide au week-end, mais le dimanche, il avait un rythme de course énorme. D'ailleurs, après la course dimanche, moi, je l'ai trouvé plutôt serein, même après les qualifs, d'ailleurs, après samedi où où il aurait pu vraiment s'enterrer lui-même. Il était voilà, il était abattu, mais pas tout à fait démoli comme la semaine précédente et même avant. Mais voilà, il commet trop d'erreurs. Hein. C'est ça son point principal. En plus, en qualif, hein, à chaque fois, en Q3, je pense que ça va être sa troisième séance ou quatrième en comptant les qualifs sprint où il fait des erreurs. Sans compter son erreur au sprint au départ en Chine, qui lui coûte cher aussi au championnat. Voilà, pour l'instant, c'est pas digne clairement dans le championnat du monde, mais c'est plutôt Piastri qui dégage une image de vétéran. Il faut se mettre aussi dans la peau de Norris. C'est peut-être la première vraie fois qu'il commence une année avec une McLaren capable de lutter pour le titre mondial. Une équipe, c'est un peu l'enfant chéri, le poupon. Et voilà, c'est l'année où il y a Piastri qui commence à lui passer dedans. Donc ça va être dur mentalement. Après, effectivement, il reste encore 20 Grands Prix. Hein. Piastri pourrait aussi commettre des erreurs. Et il en a commis une d'ailleurs. En Australie, voilà, McLaren a un duo de pilotes très solide, pas les deux meilleurs pilotes du plateau sans doute, mais un duo très solide. Donc moi, je suis très loin d'Anthony Norris. En revanche, effectivement, le risque, c'est de rentrer dans une spirale négative terrible s'il accumule de niveau ce genre d'erreur. Tout à fait. On salue la blague de Contex Dany qui demande si Piastri utilise des épingles à Norris, évidemment. Et effectivement, ce que tu disais, Alex, rejoint un peu le commentaire qu'on a dans le chat aussi sur de Vivroom sur Piastri qui grandit vite et qui est déjà expérimenté. C'est vrai qu'on voit la progression de Piastri d'une saison à l'autre. Moi, j'étais un petit peu sceptique face à son niveau l'an dernier. Je trouvais qu'il stagnait un peu, qu'il avait du mal à franchir ce plafond de verre par rapport à Norris et que finalement, on se retrouvait avec un Norris vraiment très solide face à lui, et les résultats en qualif notamment en attestaient, et puis même en course. Mais là, effectivement, on a un Piastri qui a franchi un cap, qui a l'air beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus décomplexé que l'an dernier. L'an dernier, il commençait à potentiellement douter, mais je pense qu'il avait besoin de trouver un peu les clés pour gagner ce niveau qu'on attendait de lui, parce qu'encore une fois, ne pas oublier que Piastri vient de... Il a été formé par l'Académie Alpine, hein, qui doit bien se mordre les dents d'avoir lâché, et d'avoir laissé tomber, et qu'il a quand même été champion F3, champion F2 en étant rookie, ce que pas beaucoup de pilotes font. Donc forcément, c'est vrai que c'est un pilote redoutable, et on attendait ce niveau-là de sa part, donc on n'est pas non plus surpris qu'il y soit. Et évidemment, en fait, il y a une émulation chez McLaren, puisque les deux sont très rapides et qu'on se rend compte que là, ils atteignent tous les deux un très très haut niveau, même si maintenant, c'est à Norris d'être un peu plus dans le dur. Effectivement, comme le dit Valayan, la statistique, le dernier Australien à avoir été en tête d'un championnat, c'est le manager de Piastri, c'est Mark Webber. Donc, c'est puisque effectivement, Piastri prend la tête du championnat grâce à sa victoire devant Norris et Verstappen. Il a désormais autant de victoires que Norris. 5. Oui, 5 chacun. Ils en ont plus, je crois, que autant ou plus que Keke Rosberg. Non, c'est autant. Keke Rosberg en a 5, je crois. Du coup, ça m'a fait marrer de voir parce que c'est quand même un champion du monde et voilà, il a 5 victoires aussi. Mais effectivement, et oui, comme le dit David Jay, le choix de Piastri et la mauvaise gestion d'Alpine peut l'emmener au titre 3 ans après. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il était promis à un baquet chez Alpine, mais qu'Alpine n'a pas voulu le prolonger, enfin le signer en tout cas dans son équipe, et qu'il est parti chez McLaren, totalement libre de tout contrat. On rappelle que contrairement au narratif qu'a essayé de mettre en place Alpine, c'est pas du tout un coup d'épée dans le dos, c'est un coup de poignard dans le dos, c'est vraiment il a profité de ne pas avoir de contrat. Oui, Vroom, Keke Rosberg avec 5 victoires, parce qu'il a été champion du monde avec une seule victoire en 82, donc il n'a pas beaucoup, beaucoup de succès dans sa carrière. Les saisons, il y avait 2 Grands Prix aussi. pas 24. Il y en avait 16 déjà à l'époque, mais 11 vainqueurs différents en 82, donc forcément peu de victoires pour les pilotes. Ça fait rêver d'ailleurs. C'est vrai. Et voilà, donc il a bien moins de victoires que son fils Nico. Voilà pour les pilotes McLaren. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On peut dire que la McLaren avait moins d'avantages que prévu, hein, notamment même après les EL3, on les attendait avec une demi-seconde d'avance sur tout le monde. Et au final, c'est même à se demander si, pour faire la transition, si c'était pas Verstappen le plus rapide en course. Bah, c'était un peu le sujet que j'allais aborder en transition des deux, parce que moi, ça m'a un petit peu énervé tout le week-end. J'en ai pas mal parlé sur les réseaux, et puis ça m'a un petit peu saoulé. C'est qu'effectivement, on continue de nous servir le narratif d'une Red Bull qui est nulle part, qui est pas facile et tout ça, et que Verstappen, par miracle, arrive à mettre en première ligne et en pole position, etc. etc. Il ne faut pas croire ce narratif-là, c'est faux. C'est-à-dire que oui, la Red Bull était nulle part à Bahreïn, oui, elle est beaucoup plus irrégulière que la McLaren, et oui, Verstappen est sûrement un peu meilleur que Norris et Piastri. Là-dessus, c'est des faits où quasiment on est bien d'accord là-dessus. Cependant, dans les week-ends où la Red Bull est très rapide, c'est-à-dire à Suzuka notamment, et ici, et même globalement, elle n'était pas mauvaise en Chine, un peu plus en retrait, elle n'était pas mauvaise du tout en Australie, elle est pas loin de la McLaren. Donc là, en l'occurrence, Finalement, les pneus n'étaient pas aussi faciles à utiliser pour Piastri dans l'air sale de la Red Bull de Verstappen. Et on a vu que dans le premier relais, il a non seulement pas réussi à rester au contact, il a fini par décrocher, mais que ses pneus étaient trop abîmés et que finalement, il s'est arrêté avant Verstappen. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas cet avantage en tenue des pneus qu'était censé avoir la McLaren par rapport à la Red Bull. Et encore une fois, si Verstappen arrive à faire deux pole positions en trois courses, oui, il est très fort, oui, il fait le tour parfait, etc. Mais comme le dit Piastri, j'ai rien laissé sur la table. Piastri a fait aussi le tour parfait. Et c'est vrai que quand on regarde le tour de Piastri, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de. Voilà, il est vide partout. Et ça se joue à moins d'un dixième. Donc, moi, je suis un peu. Un millième, ouais. Voilà, c'est ça. En plus, c'est vraiment beaucoup moins qu'un dixième. C'est même pas. Voilà. Et moi, Verstappen a eu l'aspiration de Tsunoda. Avoir un dixième. Ouais. Mais bon, ça reste quand même ouais. Très peu. Et c'est vrai que moi, je suis un peu sceptique quand j'entends même des médias. Je pense notamment à Gaëtan Vigneron qui est vraiment dans cette optique-là, lui, à dire c'est incroyable ce que fait Verstappen fait des miracles, etc. Non, si Verstappen place la Red Bull là, c'est que la Red Bull a le potentiel pour être là. C'est pas que Verstappen tire 120% de la voiture, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, on voit que même Tsunoda, même s'il a du mal... Ah, on en reparlera après, mais a du mal à atteindre la même limite que Verstappen. Quand il n'est pas encore tout à fait à la limite, il est quasiment dans les chronos de Verstappen, en fait, avec ce Red Bull. Ce qui est très intéressant. Donc voilà, c'était la première fois depuis Bakou, l'an dernier, qu'on avait deux Red Bull qualifiés dans le top 8. Oui, tout à fait. Et ouais, j'abonde un petit peu dans ton sens. Après, c'est vrai que c'est quand même dépendant des circuits, hein, clairement. La mauvaise nouvelle, entre guillemets, pour McLaren, c'est que les pneus Pirelli se dégradaient quand même moins que prévu, même par Pirelli, parce que Pirelli s'attendait plutôt à avoir deux arrêts que un, parce qu'ils ont quand même été encore un cran plus tendres que l'an dernier, et malgré cela, c'est que ça a quand même passé assez facilement en un arrêt pour tout le monde, à part pour ceux qui ont effectivement tenté de faire un arrêt en profitant du stop par la safety car. Et donc, du coup, faisant quasiment les 48 ou 47 ou 49 tours qui restent avec un seul train de pneus. Là, évidemment, ça passait pas. Mais sinon, c'était facile one stop. Et du coup, voilà, cet avantage qu'a pour l'instant McLaren quand même, et peut-être un peu Ferrari sur Red Bull qui est la dégradation des pneus, pour le coup, n'existait pas vraiment. Donc, avec une Red Bull qui était certainement mieux réglée et certainement aussi plus aidé, on va dire, par la nature du tracé, hein, clairement. Tracé très rapide un peu, similaire d'ailleurs dans les enchaînements, hein, un peu à ce qu'on retrouve à Suzuka, n'a pas les limitations actuelles de la voiture, c'est-à-dire les placements d'entrée de virage et tout. Donc, bon, de là à dire que la Red Bull est aussi complète que la McLaren, non, clairement pas. De là à dire que la Red Bull est très mauvaise non plus. Elle est, voilà, au niveau de la McLaren, certains circuits, un petit peu en retrait sur d'autres. Le facteur Verstappen peut effectivement compenser, certainement même, puisque Tsunoda n'est quand même pas encore dans ses chronos. Il est quand même plutôt à 3-4 dixièmes, on va dire, en moyenne. Pour l'instant, on n'a pas trop vu. Il faudrait qu'on voit sur des circuits un peu plus... voilà, maintenant, il connaît mieux la Red Bull, des circuits un peu plus, comment dire, traditionnels. Miami sera pas vraiment traditionnel non plus, mais on va dire peut-être à Imola, on verra peut-être un peu plus la vraie perf de Tsunoda par rapport à Verstappen. Mais voilà, et on a aussi, moi je touchais un petit peu ce mot-là pour rester un petit peu sur cette transition entre McLaren et Red Bull, sur le fait que voilà, McLaren a expliqué que voilà, eux, leur méthodologie cette année, c'est d'attaquer très fort les week-ends, donc en libre, vous les voyez nettement devant, vous dites waouh. Clairement ça va encore être dur. En fait non, c'est vraiment leur méthode, c'est qu'ils commencent avec des moteurs assez élevés, ils commencent à aller choper des chronos rapidement parce que ils ont aussi compris que la victoire se jouait essentiellement sur les tours rapides cette année, c'est-à-dire les qualifications. Donc il est hors de question pour eux de louper cette phase-là, sachant que la McLaren est quand même plutôt bonne derrière sur la dégradation des pneus. Ils sont quand même plutôt rapidement sur des très hauts rythmes, ce qui peut donner l'impression que effectivement ça va être embêtant. Mais voilà, Norris dit quand même non, c'est juste une fausse impression que vous avez. C'est connerie de dire que la Red Bull, la Ferrari, la Mercedes sont loin derrière et qu'on domine. C'est pas du tout le cas. C'est juste qu'ils abordent leur week-end vraiment différemment cette année. Donc c'est intéressant. Du coup, je me demande toujours à quel point les autres vont pouvoir se rapprocher ou voire même faire mieux. On l'a vu avec Verstappen. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà. Parce que les équipes en fait fonctionnent le week-end. Enfin, les équipes globalement ont plus ou moins essayent plus ou moins d'estimer un temps de la pole dès le début du week-end. Comme ça permet d'avoir un objectif chiffré en termes de réglage, en termes de performance. Et McLaren va directement le plus près possible de ça. Et on le voit qu'ils sont très rapides en essai libre, effectivement, comme tu le disais. À Bahreïn et à Jeddah, ça a été encore plus amplifié par le fait que le grip était très mauvais et qu'il faisait très chaud sur la piste, plus de 50 degrés en EL3, là où la McLaren était très à l'aise. Donc du coup, On a vu des écarts de 8 dixièmes, tout le monde disait là c'est fou, et puis en fait tout le monde était surpris, mais en fait en qualif c'était exactement le même scénario qu'à Bahreïn, c'est-à-dire que l'avance de McLaren avait littéralement fondu, parce qu'eux plafonnent dès le vendredi en termes de performance, et là ils avaient l'avantage en plus de la piste le samedi matin, mais le samedi après-midi au moment d'être sur les tours rapides, il n'y a plus cet avantage. Milton Lomax dit la McLaren est plus facile à régler. Je ne suis pas sûr parce que McLaren se plaint d'une voiture qui elle aussi est piquée comme la Red Bull. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ils arrivent au bout de l'exploitation de la voiture, elle est compliquée à mettre en place et à mettre dans la fenêtre de fonctionnement des pneus. Ce qui joue des tours à Norris plutôt qu'à Piastri. Voilà, ce qui était l'inverse l'an dernier. Et pour te répondre, Tsunoda il y a une seconde en Q3, oui, mais Tsunoda a eu le même problème, il a dit, quand il est arrivé en Q3, là où il avait encore plus de performances à extraire pour essayer d'aller encore plus vite, il s'est retrouvé justement face au gros problème de la Red Bull, qui est que quand il arrive à cette limite, elle est très compliquée à prévoir, et il n'a pas réussi à la prévoir, il a eu des fautes qu'il n'avait pas faites dans les tours d'avant, d'où la seconde qui le sépare de Verstappen, mais qui n'est pas ce qu'il valait sur un tour rapide avant. En réalité, dire ce que vaut intrinsèquement la Red Bull, en fait, c'est une question qui a pas vraiment de sens. C'est tellement dépendant des facteurs, des caractéristiques de chaque circuit, de telle température. Et surtout, c'est la voiture qui est vraiment construite pour un pilote avec un train avant qui est hyper agressif. Et c'est pour ça que ça, par effet de contraste, ça revalorise les performances de Verstappen, tellement on a vu un Lawson, par exemple, ou un Perez l'an dernier, perdu avec un grand P. Donc, dire que vaut cette Red Bull, ça veut pas dire grand-chose. Elle est conçue par Verstappen. Voilà, c'est que vaut cette Red Bull dans la main de Verstappen, et on s'aperçoit qu'elle est quand même bien meilleure qu'on pouvait le craindre, même après les chez Red Bull, après les essais hivernaux. Donc voilà, évidemment, hein, ça enlève rien au mérite de Verstappen, qui est le meilleur pilote depuis le début de la saison pour moi, très clairement. Oui, ça je suis d'accord aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et Vivroom dit, Piastri disait quand même qu'ils étaient meilleurs, il n'a pas trop intérêt de le dire finalement, mais en fait, il y a aussi Stella qui a dit que la Red Bull était au niveau de la McLaren. Donc, et je pense que c'est le cas. Piastri sont un peu meilleurs parce qu'ils sont plus à l'aise globalement depuis le début de saison. Et effectivement, la voiture est peut-être un peu plus exploitable. Mais malgré tout, on a vu à la Jeddah qu'elle a énormément de limites aussi. Et finalement, je pense que le seul énorme avantage de la McLaren sur la Red Bull, c'est sa polyvalence. C'est-à-dire qu'elle sera beaucoup plus à l'aise sur tous les circuits. On l'a vu avec 5 circuits, la McLaren joue toujours la pole et toujours la victoire, ou presque. C'est pas le cas pour la Red Bull. Donc ça, je pense que c'est là. C'est la dégradation des pneus arrière quand même sur les McLaren qui est quand même vachement bonne. Ouais, aussi. Je pense qu'on va arriver maintenant sur la question de Yves là. Pour voilà, qu'est-ce qui serait passé si on avait eu autre chose en tête de course après le départ. Allez, on va arriver sur le départ, la fameuse polémique. Alors arrivons sur ce fameux premier virage. Alors déjà. Posons les faits, c'est-à-dire que Max Verstappen a fait ce qu'on appelle communément dans le métier une Verstappen, c'est-à-dire qu'il a été battu au départ, ce qui peut arriver des fois, et là on lui a pas laissé l'intérieur comme d'habitude, où normalement il plonge à l'intérieur puis il se met devant au point de corde et il bloque son rival. Là il s'est retrouvé à l'extérieur, donc ce qu'il a fait c'est que vu qu'il était battu au point de corde, il a relâché les freins, est repassé devant à la hauteur du point de corde, n'a pas pris le virage puisqu'il était trop rapide, donc il savait très bien qu'il n'allait pas prendre le virage. Et ensuite, c'est plein à la radio qu'il était devant au point de corde et que Piastri aurait dû lui laisser de la place. Sauf que c'est exactement ce qu'il avait fait sur Hamilton deux fois en 2021 et ce pourquoi il avait été pénalisé deux fois en 2021. Donc voilà, c'est vrai que c'est exactement le même technique qu'il avait fait en 2021 et c'est exactement ce que fait Verstappen dans beaucoup de conditions. Les commissaires n'achètent plus ça. Et l'ont pénalisé de 5 secondes. Ils auraient pu mettre 10 voilà. Parce que Lawson a pris 10 pour quelque chose qui était bien moins pire. On y reviendra sur la partie Racing Bulls. Je tiens juste à dire, moi personnellement, que ça m'a quand même beaucoup fait rire de voir que le mec qui a coupé le premier virage a dit de son rival qui a pris le virage, il n'avait pas l'intention de prendre le virage. Voilà, ça m'a quand même fait beaucoup rire. Maintenant, messieurs, je vous laisse débattre un peu sur la manœuvre de Verstappen et surtout qu'est-ce qui serait passé s'il avait lâché la position et qu'il était reparti derrière deuxième après cette manœuvre. Je vais y aller. Allez. Déjà, je veux dire, voilà, Piastri a infligé à Verstappen ce qu'il aime bien faire. Ah, hein, oui. En fait, c'est ça. Il a infligé ses propres médicaments, on va dire. Donc, en gros, voilà, je m'infiltre à l'intérieur et je lâche rien et je ressors juste à la limite du vibreur et à toi de lâcher derrière et à te replacer derrière. Moi, je pense, sans effectivement débattre plus avant, que effectivement Verstappen devait lâcher. Voilà, il y a que la mauvaise foi de Verstappen et de son patron Christian Horner, voire même du docteur Helmut Marko pour prouver et penser le contraire. D'ailleurs, même Horner qui est allé voir le commissaire avec une photo imprimée de la caméra embarquée en espérant avoir des explications, mais je crois qu'il s'est vite fait remettre dans ses cordes en disant c'est un slam dunk, comme on dit, c'est en gros, voilà, il n'y a même pas photo. en disant même, voilà, il a eu de la chance d'avoir que 5 secondes parce que. Normalement, si ça n'avait pas été le premier tour, le départ, c'était plutôt 10. Donc, en gros, voilà. Maintenant, je pense que tout le monde a compris qu'il faut se calmer. Et moi, le seul truc que je regrette clairement, et pour en parler effectivement, du coup, avec la question de Yves, c'est que pour moi, c'est dans ce genre de cas, il faut absolument rendre la position. Parce que rouler dans un air propre, c'est tellement intéressant. On l'a bien vu d'ailleurs qu'avec les pneus, hein, les pneus de Verstappen ont duré plus longtemps que ceux de Piastri. Piastri a essayé de tenir dans le sillage du DRS de Verstappen. Je pense qu'il s'est rendu compte au bout d'un moment qu'avec l'air surchauffé derrière, c'était pas bon non plus du tout pour son moteur surtout, mais surtout pour ses pneus aussi. Donc ça n'aide pas à refroidir les pneus. Donc il a lâché, il a dit, bon voilà, comme il va prendre 5 secondes à l'arrêt au stand, je roule à 2 secondes pour histoire de ne pas massacrer mes pneus. Et pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème, c'est quand on le juge coupable, surtout que c'était jugé coupable quasiment juste après la voiture de sécurité. C'était quand même assez rapide, même si on aurait pu espérer que ça se fasse avant la voiture de sécurité. On aurait pu rendre la position. On aurait dû rendre la position même pour et faire vraiment une vraie course telle que l'ordre de départ au premier virage aurait dû se faire et on aurait vraiment eu quelque chose de plus sympathique. Et après, si Verstappen n'est pas bête, il sait très bien qu'il va avoir 5 secondes, il sait très bien que ça va pas se passer. Il redonne de lui-même la position parce que derrière, il sait très bien que avec ses 5 secondes de pénalité, il sera forcément passé lors du pit stop. Il peut même pas profiter d'un undercut. Il peut rien faire. Il sait clairement que Piastri réagira derrière. Bon, voilà. Donc pour moi, c'est une grosse faute et stratégique de la part de Verstappen et de Red Bull aussi, de pas avoir même rendu de même la position. Après, clairement. Avant de laisser la parole, moi, je pense. Avant de laisser la parole, Alex, je voulais juste dire que les commissaires ont réagi assez rapidement quand même, parce qu'il faut pas oublier qu'ils étaient en pleine digestion et qu'à ce moment-là, ils peuvent mettre beaucoup plus longtemps que ça à réagir, donc c'était pas si mal pour eux. Et je voulais répondre à deux questions dans le chat. La première, c'était Pedrovic qui dit que la pénalité aurait pu être de 10 secondes d'après le règlement. Encore une fois, il y a l'atténuation du fait que c'est au premier virage, premier tour, et que c'est souvent, il y a le Les Emrays, donc on calme un peu le truc. Et ça d'ailleurs, Christian Horner a brandi le Les Emrays en disant normalement on pénalise pas, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce qui d'ailleurs a eu cours en F2. Marco a dit regardez, en F2, ça a eu lieu, il n'y a pas eu de pénalité. C'est pas faux, mais c'est pas la même direction de course. Mais effectivement, c'est la même fédération par contre, on est d'accord. C'est ça. Voilà. Hamilton Lomax. Je peux quand même dire, ouais, vas-y. Non, je disais, aucun débat sur la pénalité, mais j'ai une question. Si on inverse les positions, est-ce que vous auriez été aussi unanime sur la responsabilité? Oui. Oui. Oui, mais parce que en fait, Piastri aurait peut-être rendu. En fait, c'est juste que les autres ne font pas ça. Regarde les batailles entre Norris et Piastri, regarde les batailles entre Norris et Russell, regarde les batailles entre Norris et Leclerc. A rendu une position en Bahreïn. Hein. Voilà, c'est ça. Donc en fait, moi je pense que si Verstappen et Red Bull sont restés dedans, je pense que c'est pour deux raisons. Une raison qui tient à leur caractère. Tu dis, ils savaient très bien qu'ils allaient avoir des pénalités. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'ils sont toujours dans le déni et qu'ils sont toujours absolument persuadés qu'ils sont dans leurs droits et que c'est le monde entier qui a tort. Premièrement, et ensuite, pour une raison stratégique, c'est que on est effectivement, et c'est même Leclerc qui a vraiment insisté dessus en conférence de presse. En fin de règlement, donc les perturbations aéro, ce qu'on appelle l'air sale, ça compte vraiment, ça compte beaucoup plus que l'an dernier. Et donc, il y avait une logique à rester devant, même à écoper de 5 secondes, pour moins user les pneus en particulier. Donc, de ce point de vue-là, c'était plutôt logique, même sportivement, de rester devant. Et c'était peut-être alors à l'effet de dire, alors soit tu rends la place, soit c'est vraiment 10 secondes de pénalité pour aller plus loin. Donc, il faudrait peut-être aussi réévaluer les pénalités aussi dans cette perspective où l'air sale ou rouler devant à l'air libre, ça a vraiment beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'importance parce que voilà, ça permet vraiment de préserver les gommes. Donc disons que tactiquement, Red Bull n'a pas fait forcément un mauvais choix pour moi. Ouais, c'est vrai. Après, la FIA elle pourrait aussi résoudre ce problème très facilement. Alors soit vous mettez un mur, hein, du premier virage, donc du coup Verstappen il y va pas, hein, clairement. Soit quand vous savez que ce genre de chicane ça se coupe facilement, vous imposez comme d'habitude, comme ça peut se faire, un chemin obligatoire à faire. Et si vous avez un chemin obligatoire à faire qui vous fait perdre plus de temps en coupant qu'en suivant le virage, bah Verstappen il fait pas ce qu'il fait, il relâche, il se place derrière Piastri et il suit. S'il doit passer par un chemin obligatoire, voilà, il suffit juste de deux coudes pour l'istyrène. Ben voilà, le problème est réglé. Je veux dire, et je ne comprends toujours pas pourquoi. On en a déjà parlé, je ne sais plus pour quel cas. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce genre de choses n'est pas imposé. Il n'y a pas très très longtemps. Non, c'est il Hein, n'y a je sais pas pas si... longtemps, je sais plus pourquoi Voilà. c'était. J'en avais déjà parlé et j'ai dit, Ouais. mais pourquoi on n'impose pas ça, tout simplement? Voilà, c'est au moins l'affaire est réglée. Verstappen, il sait très bien que s'il est obligé de passer par ce chemin-là, eh ben, il perd trop de temps, il est obligé de freiner, enfin, il est obligé de relâcher, quoi. Ouais. Et Mais devoir qu'est-ce faire qui se de. passe s'il passe pas par le chemin, du Ben, coup? il prend 5 secondes, 10 secondes même, voilà, pour le coup. Je crois que ça peut être 10 secondes, ouais, il me semble. Voilà. Et il y avait une question, enfin il y avait deux commentaires de chat qui me semblaient dire la même chose. C'était Context Dani qui a dit je ne suis pas pro max, mais pourquoi le second a l'avantage du premier virage? Et Hachoum disait ça dépend de la place de la pole par rapport au premier virage. C'est juste que là Piastri était à la corde et avait donc le prio au premier virage. Mais c'est toujours pareil, la deuxième place est toujours à l'intérieur et elle est toujours 14 mètres ou 16 mètres derrière la place numéro 1. Donc en fait, il n'y a pas de différence ici qu'ailleurs. C'est exactement la même chose tout le temps. Et les pilotes C'est le 8 savent. mètres. Non, c'est plus. C'est 8 mètres, il me semble. Non, je crois que c'est plus. J'avais fait dans un. Ah! Vas-y, je te laisse parler, je vais vérifier pendant ce Ouais, temps. vas-y. Et tout ça pour dire que effectivement, c'est oui, c'est le but, c'est que le leader est à l'avantage. Il a l'avantage de la trajectoire, mais si le deuxième prend un meilleur départ, il a l'avantage de pouvoir plonger à l'intérieur. C'est ce qui fait que c'est un peu plus 8 disputé. mètres. Sinon, ah, c'est 8 mètres. Ok, ça me paraît bizarre. Et je pensais que c'est On va vrai, parler de ta bref. main, là. Et en gros l'idée c'était que si tu mets la pole position à l'intérieur, ce qui est le cas à Spa, je crois, parce que Spa c'est une épingle, bah, tu as quasiment jamais de dépassement au premier virage, parce que le leader bloque à l'intérieur et passe quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est un peu le truc. Effectivement, Reus dit je vais me faire l'avocat du diable et mettre un mur à cet endroit, c'est rendre le circuit plus dangereux, évidemment, il n'y a pas besoin de ça. Mais non, non, mais c'est pour ça que le truc de devoir faire un détour dans l'échappatoire serait une bonne chose. On le voit notamment à Monza, on le voit dans pas mal de circuits, et c'est vrai que c'est dommage que ça ne soit pas ici, surtout que le problème se répète régulièrement, même si le problème ne vient pas forcément plus du circuit que du pilote qui répète toujours le même problème à cet Sinon, on endroit-là. peut l'imposer uniquement si Verstappen se retrouve en première ligne. Oui, bah alors là, ça va gueuler, et à juste titre. Mais oui, non, mais c'est sûr que ça n'arrive qu'avec lui, par contre, ça c'est vrai. Voilà. Alors que pour les pilotes qui ne sont pas britanniques. Mais. Mais Sochi aussi, comme dit Contestani, effectivement, c'était Alonso qui avait coupé en disant, regardez, il n'y a que les pilotes britanniques qui sont pas pénalisés. Il n'avait pas été pénalisé, du coup, il avait dit oui, mais bon. En tout cas, on peut noter que pour leur première vraie confrontation, Piastri-Verstappen, bah, victoire de Piastri, hein, qui ne s'est pas laissé faire, il a dit, voilà, il avait dit juste après course, hein, c'est clairement pas un virage, je vais en sortir deuxième. Voilà. Voilà, posément, calmement, il en a peut-être fait plus que Norris en 2 ans. C'est vrai que Je prends. c'est un des trucs qu'on a vu chez Norris qui a peur. Norris qui cède au ch chantage et à l'accrochage de Verstappen. Piastri n'y a pas cédé, alors avec un petit avantage sur le positionnement, mais quand même. À confirmer encore, mais voilà. Mais bon, après, il prend aussi une excellente impulsion. Hein. Il se prend 2 ou 3 dixièmes sur le temps de réaction de Verstappen. C'est quand même assez rare quand même, que Verstappen se fasse surprendre comme ça. Mais c'était quand même bien joué de la part de Piastri pour ce départ-là, en tout cas. Chapeau à lui, et c'est ce qui lui a valu la victoire finalement. Ouais, c'est ça. C'est la première fois que cette année que le vainqueur n'est pas le poleman. Oui, C'est vrai. tout à fait. Et donc, effectivement, après, au-delà de ça, très très bonne qualif de Verstappen, très bonne course aussi, il avait super bien géré sa course. Et puis, pas mauvais week-end de Tsunoda, hein. Je trouve qu'il fait vraiment du boulot de plus en plus solide derrière. Bon, il y a eu un accident en EL2, dans le dernier virage, il touche l'intérieur et puis il va taper le mur à l'extérieur. Mais c'est une petite erreur qu'on lui pardonnera compte tenu du circuit. Et malgré tout, ça reste que sa troisième course dans la Red Bull. Et il est globalement dans les chronos rapidement de Verstappen, sauf généralement Q2, Q3, où ça tire un peu parce que c'est là que la voiture est à la limite. Et il retrouve les mêmes problèmes. Mais quand il est encore dans sa zone de confort, on va dire, qui est de plus en plus large, j'ai l'impression, on le retrouve dans les 3-4 dixièmes, ce qui est bien mieux que Lawson, évidemment, et même mieux que Perez, quoi. Ouais. Voilà, à part ça, je crois que pour Red Bull, c'est à peu près. Oui, bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage cet accrochage avec Pierre Gasly au départ. Effectivement, ils savaient tous les deux que cet endroit-là, a priori, était quand même assez délicat à passer à deux. Mais après, voilà, accident de course clair, quoi. On espère que ça passe, mais bon, finalement, ça passe pas, ça touche un peu. J'aurais mis quand même un peu plus la faute sur Tsunoda que sur Pierre, Ah pour oui. le coup, mais bon, voilà, c'est. Une fois qu'on est lancé avec peu d'adhérence, comme il dirait, peu d'adhérence, le plein et tout ça, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Et d'ailleurs, il a dit que l'année prochaine, dans ce virage-là, il sera plus prudent. Donc il l'a dit clairement. Donc ça veut dire que tous les pilotes qui se retrouveront autour de lui l'attaqueront à fond dans ce virage-là, puisque lui, il sera plus prudent. J'adore cette chose. C'est toujours bien de dire qu'on sera plus prudent Ouais, l'année ça c'est suivante. vraiment Le truc est vraiment pas dire. l'aveu à ne pas faire en Formule 1. C'est ça. Mais effectivement, bon, c'est vrai qu'après le circuit est quand même compliqué. Là, c'est bon, Tsunoda est pour moi responsable un peu plus, mais c'est vrai que Ouais, en tout cas, on a quand même l'impression que Red Bull a enfin trouvé son deuxième pilote pour tenir un petit peu face à Verstappen. J'ai pas. Il reste quand même loin hein, en termes absolus, hein, mais. Oui. Ouais, mais il a beaucoup de On marge de est progression parce qu'il connaît pas la voilà. voiture. Et encore une Ah fois, ben. on peut regretter qu'il l'ait pas directement choisi et qu'il n'ait pas eu le temps de faire des essais hivernaux. Parce qu'avec 3 journées, enfin 3 demi-journées dans la voiture, ça aurait été une toute autre affaire. Et Là, là, il il. passe une journée. Ouais. Là, il passe une journée complète dans le simulateur demain et mercredi, il a le droit à des essais privés avec la RB19. RB19. Voilà, donc à Silverstone, donc une journée complète. Donc pour, alors certes, l'RB19 c'est pas l'RB21 clairement, mais voilà, c'est quand même des choses qui peuvent travailler vraiment en termes de procédure, en termes de réglage, de méthodologie. Donc ça va vraiment l'aider ça aussi. Mais bon, ça on compensera jamais effectivement un jour et demi de test avec la voiture quoi. C'est Ça c'est ça. clair, avec Mais la vraie voiture. au moins, il est assez proche pour passer en Q3 et vu les écarts en Q2, c'est quand même plutôt bon signe quand c'est à sa capacité à au moins être au niveau où Red Bull le veut. Après, c'est sûr qu'il lui faut un peu plus de facilité sur les derniers tours de qualif, mais ça marche mieux. Puis à Miami, il connaît. Imola, c'est un circuit qu'il connaît beaucoup pour y Ouais. avoir roulé, pour y avoir habité quasiment à côté lorsqu'il était chez Racing Bulls. Donc voilà, on peut être optimiste. Mais Oui. c'est pas pour ça, c'est pas pour autant que Red Bull va gagner le titre constructeur. Ah non. Là, on peut dire que c'est finito. Oui, parce que les écarts Oui. sont déjà énormes en termes de, enfin, au championnat Après, constructeur. Verstappen, il n'est pas du genre comment dire, à faire lâcher son équipe. C'est-à-dire que s'il exige que son équipe développe la voiture et que les autres lâchent un petit peu pour 2026, on a vu des retournements de situation, notamment du côté de McLaren et Ferrari ces 2 dernières années, où les choses peuvent évoluer très très vite. Donc, je dis pas que pour le titre constructeur, ça serait facile, loin de là. Je dis juste que pour le titre pilote, ça pourrait être quand même plus serré ou plus l'avantage de Verstappen qu'on le Ah croirait. oui, ça je suis Donc, d'accord. de toute façon, les équipes qui vont jouer le titre cette année, on verra où on en est dans quelques courses, mais les équipes qui vont jouer le titre cette année risquent de se retrouver confrontées au gros problème des changements de réglementation, c'est-à-dire que quand tu joues le titre une année, tu sacrifies le développement pour le nouveau règlement, et c'est comme ça qu'on avait vu McLaren et Ferrari, notamment en 2008, perdre l'avantage face à Red Bull et Brands GP qui avaient tout misé sur 2009. Et de même que voilà, on a vu ça plusieurs fois dans les changements de réglementation en Formule 1. Et effectivement, ça peut être un peu compliqué pour eux l'an prochain si jamais c'est des équipes qui décident d'aller au bout. Mais d'un côté, on ne peut pas passer à côté d'un titre quand on le joue. C'est-à-dire que si C'est ça. c'est la politique BMW en 2008, hein, on est en tête à la mi-saison. On dit non, mais c'est bon, on mise tout sur le règlement prochain, on perd le titre, et puis l'année suivante, la voiture a une pelle, et finalement, ça marche pas. Ben, c'est un peu, je pense, la politique Verstappen aussi, parce que s'ils veulent conserver Verstappen et ne pas avoir la fameuse clause de Alors, sortie activée, ouais. c'est peut-être tout intérêt. Hein. Ça nous amène à la folle rumeur qui a circulé pour l'an prochain que Red Bull aurait souhaité prolonger, enfin, si vraiment c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes, mais que Red Bull aurait sondé Honda pour prolonger la fourniture moteur aussi l'an prochain. Racing Bulls aurait, elle, les moteurs Red Bull Powertrains Ford, le temps qu'ils se développent. Donc voilà, ça fait partie des rumeurs un peu folles. Panique à bord, parce que le moteur serait au rendez-vous et pour conserver Verstappen. Bon, je ne sais pas s'il faut vraiment y croire, en tout cas, c'est jamais très rassurant, c'est sûr. Bah, du coup, on peut arriver du coup sur l'histoire du moteur 2026, puisque en fait tout est Voilà, un oui. petit peu lié. C'est que comme apparemment il y a une proposition qui est sur la table pour la commission F1 qui doit se réunir la semaine prochaine encore à nouveau. Donc ça va vite en ce moment. Il y en a beaucoup de réunions sur une proposition qui on ne sait pas d'où qui elle vient, mais en tout cas on sait qu'elle est appuyée par Red Bull, donc peut-être qu'elle vient même de Red Bull, sur le fait que ben voilà, les moteurs hybrides 50% thermique, 50% électrique l'année prochaine auront bien du mal à recharger assez leur batterie pour chaque tour, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des pannes d'énergie en plein milieu d'une ligne droite, bah, surtout notamment à Monza, hein, c'est clairement le circuit qui voilà. Bah Donc plus massif. sur un tour qualification, on garderait ce ratio 50-50 entre thermique et électrique. Par contre, en course, pour éviter ce genre de problème, ben on réduirait du coup la puissance de la batterie, enfin voilà, des livrables, donc on passerait de 350 kW à 200 kW. Les moteurs thermiques garderaient leurs 350 kW, donc on aurait un ratio de deux tiers à un tiers à peu près de la puissance, qui permettrait ben, d'avoir des courses qui n'auraient pas de soucis de récupération d'énergie. Par contre, avec un rythme qui serait quand même, alors pour le coup, vraiment plus lent, puisqu'on parle quand même de perdre 150 kW, soit presque plus de 200 chevaux de puissance. Donc vous rajoutez du poids, plus de 100 chevaux de puissance en moins. Pour le coup, le rythme de course serait vraiment éloigné du rythme de qualification. Mais ce serait apparemment le prix à payer pour, selon certains motoristes. Évidemment, Mercedes s'y oppose totalement. Ouais. Toto Wolff, donc si vous avez lu le site, Toto Wolff s'oppose clairement. C'est quand même une grosse farce quand même, parce qu'ils ont comme discuté des moteurs il y a un peu plus d'une semaine à Bahreïn, et puis là, tout d'un coup, une nouvelle proposition qui arrive sur la table. Bah, soyons clairement des motoristes qui ont vraiment du mal, hein, et parmi ceux qui ont du mal, on le sait très bien, c'est Red Bull Ford. Voilà, donc si Horner appuie la décision, sans dire que la proposition vient d'eux, je pense qu'il y a 99% de chances que ça vient bien d'eux. Et comme tu l'as dit, l'autre solution, sinon, bah, c'est que comme Honda, ils sont tellement contents d'avoir Verstappen et que Red Bull, ils ont tellement peur de le perdre, que effectivement, bah, pourquoi pas faire une Red Bull Honda encore en 2026, pendant que le moteur Red Bull Ford est développé dans la Racing Bulls. Autant dire que Ford apprécierait moyen et que Aston Martin, qui, voilà, ouais. Aston Martin, qui est quand même équipe constructeur d'usine exclusive. Bon, ce sera sacré désaveu. Voilà, ça c'est un désaveu, mais en même temps, vu ce que montre Aston Martin cette année, ça pourrait être compréhensible. Et puis finalement, avoir peut-être deux équipes pour le moteur Honda à l'année prochaine, c'est peut-être pas si mal non plus. Donc ah, voilà, tout va dépendre, effectivement. Je pense que la position d'Aston Martin risque d'être assez simple. C'est en gros, si on peut avoir Verstappen, bah, allez vous faire voir. Ah, oui. Si on peut pas l'avoir, bon bah voilà, il faut que Honda effectivement puisse développer son moteur le mieux possible. Donc. Bon, ça reste une rumeur assez folle, mais ça a quand même été un peu appuyé par voilà, par s'il faut changer, s'il faut changer de moteur, c'est maintenant, parce que c'est aussi un châssis réadapté en 21 avril. Bon, voilà. Mais je suppose qu'ils ont quand même prévu, comme les réglementations précédentes, c'est-à-dire des points d'ancrage standardisés, histoire de pouvoir passer facilement, assez facilement d'un moteur à un autre. Après, tout le packaging de refroidissement, est toujours à revoir complètement. Ce qui est sympa l'an prochain, c'est qu'on va reparler des évolutions de moteur. On n'en parle évidemment plus parce que le moteur était gelé, mais ça va redevenir. Mmh. Voilà, quand on dit voilà, il y a des évolutions et des évolutions, ben, il y aura aussi des évolutions moteur. Bon, le tout avec des budgets plafonnés aussi. Mais alors, j'espère qu'ils ne vont pas remettre un système affreux de jetons comme par le passé. Mais voilà, ça risque d'être intéressant à suivre aussi. Effectivement, moi ce qui j'espère que cette histoire de puissance réduite en course ne va pas être acceptée, déjà parce que ça risque de faire des F1 vraiment lentes, ce serait dommage. Et au bout d'un moment, s'il y a des motoristes qui ont moins réussi le truc, bah tant pis, parce qu'il y a déjà eu des aménagements de fait pour la crainte que le déploiement et la récupération d'énergie ne soient pas suffisants, et qui est qu'il y a quand même de l'aérodynamique mobile. Ouais. Sur les voitures de l'an prochain, avec un pack qui justement sera moins, il y aura moins de traînée en ligne droite pour limiter la consommation d'énergie, et il y aura plus en ligne droite pour augmenter l'appui. Donc en fait, il y a tout un tas de choses qui ont déjà été vues au règlement châssis, règlement moteur, pour que les deux fonctionnent ensemble. La F1 s'est quand même bien cassé le cul à faire ça avec la FIA. Les équipes étaient d'accord, et là on voit juste que c'est des constructeurs qui ont raté leur truc et qui viennent essayer de mettre des pansements sur un truc qui fonctionne. Alors pour certains, et au bout d'un moment, bah oui, c'est triste que ça marche pas pour Red Bull ou pour Audi, je sais pas qui a lancé ça, mais il y a des motoristes qui sont en train de réussir leur passage à la réglementation suivante, comme ça a été le cas en 2014, et bah, au bout d'un moment, il faut juste admettre que c'est voilà, c'est comme et, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on dirait si, par exemple, si pas Sauber a raté son châssis, il dirait, ah, mais il faut revoir la règle sur le plancher, etc., ça marche pas. Voilà, c'est un peu pareil. C'est ça. Et d'ailleurs, quand Mercedes avait émis ça en 2022, encore une fois, disant qu'il y avait des soucis sur le plancher, qu'il fallait revoir les directives techniques pour justement rigidifier le plancher, machin, et essayer qu'il n'y ait pas trop de soucis, mais imposer des hauteurs de caisse et tout, on les a renvoyés chier en disant « change your fucking car » et puis c'est ta faute. Donc au bout d'un moment, bah, c'est le même problème, le même principe qui s'applique pour les moteurs, c'est que ceux qui ont réussi vont avoir de l'avantage, ceux qui n'ont pas réussi vont avoir des difficultés, mais il n'y a pas de raison de changer le règlement. Et comme le dit Vardon, il dit dans le chat, il dit c'est un peu tard pour faire de la réglementation pour l'année prochaine. Et moi, je trouve que changer des choses maintenant, c'est complètement ridicule, alors qu'effectivement, c'est un des plus gros changements de réglementation de l'histoire de la Formule 1 en 75 ans. Et il n'y a pas de raison de tout modifier juste parce qu'une équipe ou un motoriste galère en termes de règlement. Donc voilà. Mais Rien à ajouter, mais bon, ouais. ça c'est. C'est le jeu, ma foi, de la Formule 1. C'est vrai qu'on s'est tellement habitué à une Formule 1 hyper compétitive avec 10 équipes en une Ouais. seconde, voire moins. Il va falloir réaccepter en fait le fait qu'il y a des équipes qui seront certainement larguées l'année prochaine, quoi. Mais n'oubliez pas que si c'est le cas, nous aurons des courses avec des dépassements, puisque ça changera tout. C'est Et vrai. ça, ce sera Et chouette. des casse-moteurs. Et oui, aussi. Ah oui, ça aussi, la petite fumée des moteurs, Ouais, la ça petite manque fumée un peu. blanche. C'est vrai. Alors, la Avec fumée Mouche blanche, Papa, maintenant, c'est c'est passé. ça. Bientôt, dans 20 jours, on aura une fumée blanche au moins venant d'Italie. Ce sera pas un moteur Ferrari. Ah, qui sait? À Miami, peut-être. Attention, Ah, pardon. monsieur. Non, non, mais sur une autre voiture, Vous sur une dérapez Sauber. là. Non, non, sur une Sauber. Vous dérapez là, monsieur Touzeau, Ah, attention. bah écoute, ce serait une bonne transition avec Ferrari, hein, puisqu'on va revenir sur notre Grand Prix d'Arabie Saoudite quand même. On va parler du podium, de Charles Leclerc, le premier de Ferrari cette saison, avec une troisième place qu'il est bien allé chercher grâce à une belle stratégie avec un long premier relais en pneu médium. Et une quatrième place sur la grille qui était quand même pas mauvaise. Et puis une septième place de Lewis Hamilton qui a galéré, qui est un peu en dépression, mais qui néanmoins a bien aidé Charles Leclerc en causant comment dire, en ralentissant Lando Norris. Et donc ce qui a permis à Leclerc d'avoir un peu plus de marge en fin de course. Bah Franck, je te laisse la parole puisque tu es quand même le fan de Ferrari ici parmi nous trois. Déjà, est-ce que ce premier podium te donne un peu de baume au cœur et est-ce que tu es quand même un peu inquiet pour Lewis Hamilton? Bon, mon cœur, oui, plus ou moins. Je veux dire, le fait même qu'il n'en ait pas fait un depuis le début de la saison, ça m'attristait pas plus que ça non plus, parce que je la voyais quand même un petit peu plus galérer que ce que j'espérais, ou ce que beaucoup de gens espéraient, d'ailleurs. Je suis pas le seul tifosi, heureusement. Mais oui, effectivement, bah, ça fait quand même plaisir de voir que Charles a pu prendre au moins un premier podium cette année. Mais ouais, effectivement, la petite musique qui est en train de monter là sur la compétitivité de Hamilton au volant de la Ferrari commence un petit peu à faire tourner pas mal de têtes, y compris la mienne aussi. J'avoue que, comme on en discutait un petit peu cet après-midi, je commence aussi à penser que ce qu'il décrit en tout cas hier après la course comme étant quelque chose de douloureux avec lequel il faudra vivre toute la saison. Waouh, soit ils ont trouvé quelque chose effectivement qui va vraiment pas sur la Ferrari, ou quelque chose qui va vraiment pas pour lui, en tout cas, et qui peut pas être corrigé. Bon, après, du Lewis qui se plaint beaucoup, qui se morfond et qui est en dépression, on a déjà vu je ne sais combien de dizaines de fois dans sa carrière, et le lendemain ou le surlendemain, il se retrouve à faire des victoires magnifiques et à renverser la situation. Donc je me fais toujours très attention là, au propos de Lewis et à sa façon de dire les choses. Il est un petit peu comme Norris finalement presque, mais pas sur lui-même, sur les voitures ou sur les réglages, mais pas vraiment directement lui en tout cas. Et avec Voilà. 100 victoires de différence entre les deux. C'est ça. Mais oui, effectivement, voilà. Et on a commencé à voir aussi des premières petites critiques, hein, en interne, hein, puisque Vasseur quand même a dit, bon, c'est pas très normal quand même tout ça. D'avoir des hauts, des bas, c'est normal, mais bon, voilà, il a quand même dit juste après une autre interview que Manu vous sortira demain matin. Il allait comme de 2000% derrière Lewis, parce que voilà, il a eu vent des propos qu'il a tenus devant les caméras de télévision, et donc il a dit, voilà, je préfère m'entretenir d'abord avec Lewis et lui en parler avant de juger, porter un jugement définitif. Mais c'est vrai que c'est pas très rassurant quand même pour le court terme en tout cas. C'est ça. Ouais. Et bah sur la Ferrari, en fait, c'est une voiture qui semble très performante, mais il y a un petit astérisque, et il faut lire les conditions en bas de page. Donc voilà, c'est à l'air libre, et Leclerc a vraiment insisté sur l'air libre. C'est pour ça aussi, notamment, qu'ils ont prolongé leur premier relais, c'est pour avoir de l'air libre au sortir d'un relais, parce que vraiment, ça fait la différence. Et on l'a vu, hein, puisqu'en deuxième moitié de course, Leclerc avait un rythme égal, sinon supérieur, à celui de Verstappen et celui de Piastri. Donc c'est une voiture qui semble très performante, mais encore par éclipse, et encore que le dimanche, parce que Leclerc l'a aussi dit, le gros problème, c'est les qualifs, et pas de bol. On est en plein dans un championnat de plus en plus de qualifs, plus en plus de personnes le disent, où vraiment, voilà, encore une fois, c'est difficile de doubler, parce que les écarts sont tellement serrés que beaucoup de choses vont se jouer le samedi, et le samedi, cette Ferrari-là, elle est en retrait. Alors il y a eu peut-être des mauvais choix de développement qui ont été faits. C'est une voiture qui a vraiment changé pendant l'hiver, donc avec sûrement plus de marge de progression que ses devancières, mais en attendant, ça fait encore des points gaspillés du côté de Ferrari. Donc voilà, il faut être rapide tout le temps et pas rapide selon des certaines conditions. Donc moi, j'ai quand même... Bon, ce week-end a de quoi un peu rendre optimiste. Hein. Le nouveau plancher a effectivement un peu fonctionné, mais il en manque encore. Du côté de Leclerc, il en manque beaucoup du côté de Hamilton. Et je pense que le problème de Lewis, c'est aussi ses F1 effet de sol. Ça ne lui réussit pas. Bonne nouvelle, les F1 seront tout à fait différentes l'an prochain. Mmh. Donc on peut garder aussi espoir. C'est vrai qu'il y a ça aussi, on arrive à une fin de réglementation et l'an prochain, ça va encore de nouveau changer un peu la donne et un peu la manière dont les pilotes s'adaptent et exploitent les voitures. Mais effectivement, moi je suis un peu inquiet pour Hamilton parce que c'est trop tôt pour dire que ça va pas réussir ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où il y a eu la victoire au sprint en Chine et puis c'est à peu près la seule vraie éclaircie. Et à part ça, c'est un peu compliqué pour lui et pour sa Ferrari à lui. Je m'inquiète pas encore trop parce que la saison est encore longue, mais c'est vrai qu'il faudra que d'ici 4-5 courses il y ait vraiment du mieux, sans quoi la saison risque d'être très longue, et après forcément c'est tout l'état d'esprit qui change et qui n'est pas bon quoi. Milton Max dit après les échos du moteur Ferrari ne me semble pas incroyable non plus. Non, pas incroyable, moins bon que Mercedes mais quand même bien mieux que Red Bull, Audi, voilà. Difficile de savoir. Hein, en fait, il y a quelques chiffres qui ont circulé lors de la commission, pas de la commission, mais de la réunion des motoristes, effectivement, où ça, certains ont commencé un petit peu à appuyer sur le fait qu'il faudrait quand même avoir un petit mécanisme de remise à niveau en cours de saison au cas où. Voilà, donc il y a quand même quelques données qui ont été partagées avec la FIA, pas entre les motoristes. Donc il y a quand même des petites pistes et des petites fuites quand même qui sont sorties sur l'état d'avancement des uns et des autres. C'est pas non plus la catastrophe chez Ferrari, loin de là. Hein. Non. Et je suis un peu déçu parce que Xuan, ça m'a volé ma blague. J'avais demandé, j'allais dire qu'on n'avait pas trop d'infos sur le moteur Renault pour l'an prochain. Mais on va continuer notre tour d'horizon du Grand Prix d'Arabie Saoudite avec Mercedes, alors qui a connu sa pire course de la saison selon les propos de ses dirigeants, avec une 5e et une 6e place et surtout une dégradation, enfin une surchauffe des pneus. Qui a causé des gros soucis de rythme en course. Globalement, c'est ce qu'ils ont fait le moins bien. Après, ça fait quand même 5e, 6e place. Donc, Russell et Antonelli font le taf pour marquer 18 points, ce qui permet à l'équipe de rester 2e au championnat. Russell est toujours à moins de 25 points du leader du championnat. Donc, pour lui, c'est malgré tout, le pari est réussi. En 5 courses, il est toujours à moins d'une victoire du leader du championnat. Ça, c'est quand même vraiment important au cas où Mercedes par la suite arrive à se remettre au niveau, voire enfin au même devant gros parfois. Gros package à Imola, très très gros package à Imola, donc voilà. Attention. Et du coup, c'est maintenant qu'il faut limiter la casse, et c'est ce que fait Russell avec que des top 5 sur ce début de saison. Et puis voilà, mais effectivement, les vieux démons qui rattrapent Mercedes avec cette surchauffe et puis cette inquiétude de ne pas comprendre la voiture dans certaines conditions. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Est-ce que tu penses qu'on voit le retour de la diva, ou est-ce que tu penses que c'est juste une erreur de parcours? Difficile. D'abord, 113 millièmes hein, entre Russell et la pole, donc il était vraiment pas loin aussi. Peut-être qu'avec l'air libre, encore une fois, ça aurait été mieux, non? Et effectivement, il retombe un peu dans leur travers et on retrouve l'irrégularité de Mercedes qu'on pensait avoir réglée. Et je pense que même ils étaient un peu abattus, donc non, pour moi, on est plutôt dans la diva et un peu de retour. Hein. Je pense qu'à Miami, ça risque de souffrir aussi pour les Mercedes parce qu'il risque de faire très chaud et la dégradation va compter. Ils ont limité les dégâts, mais c'est clairement pas une course qui incite à l'optimisme. Alors voilà, peut-être que le nouveau package à Imola va permettre de régler les choses. Moi, j'ai été déçu de Russell, et bon, quand t'as Antonelli fini à 7 secondes de Russell, voilà, ça parle de lui-même. Hein. Il a fait le boulot encore une fois, et sur un circuit ultra compliqué, il a prouvé qu'il était au niveau. Ouais, c'est vrai. Après Russell, effectivement, la fin de course a été vraiment compliquée. Il a même eu peur que ses pneus lâchent avant la fin d'arrivée et qu'il y ait potentiellement un accident. Il a demandé s'il ne fallait pas rentrer les changer. Et ouais. Son équipe l'a rassuré en lui disant qu'il n'y avait pas d'inquiétude. Mais effectivement, il avait les pneus complètement détruits en fin de course. Parce que au milieu du relais, je crois qu'il y avait encore 15 à 18 secondes entre lui et Antonelli. Donc on voit qu'Antonelli gère bien les pneus en tout cas et a fait une bonne fin de course. Malgré tout. Mais effectivement, bon, c'est un petit peu décevant de la part de Mercedes. Après, je sais pas toi, Franck, ce que t'en as pensé. Est-ce que tu t'inquiètes, ou est-ce que tu penses que il y a Imola, mais est-ce que Miami, pour toi, ça peut être le retour de Mercedes aux avant-postes? Encore une fois, ils sont jamais très loin non plus de la pole. Ou est-ce que Miami risque aussi d'être un peu compliqué avec la physionomie de la piste? Oh, c'est compliqué à dire, hein, parce que bon, Miami en plus sera 2 jours pour le coup, il peut faire chaud, ça sera pas non plus une chaleur torride, mais voilà, ça peut ne pas aider Mercedes non plus. En tout cas, cette WSS, en tout cas, elle est quand même assez constante. C'est ça qui est quand même intéressant pour Mercedes. Comme tu l'as dit, Alex, la pole était vraiment pas loin non plus. C'est vrai qu'en course, avec la dégradation, là, pour le coup, voilà, peut-être un mauvais travail de ce côté-là en essai libre. Je pense qu'ils vont avoir les 15 jours, là, du coup, pour essayer de comprendre pourquoi ils ont peut-être été sur une mauvaise direction en termes de réglage pour préserver les pneus. Essayer de comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, je vois pas quelque chose d'alarmant pour l'instant, comme vous l'avez dit, 5e et 6e. Effectivement, peut-être le rythme de course ou la fin de la course qui était quand même un peu plus en retrait. Ça reste quand même une Mercedes très très solide et très très stable. Donc c'est pas quelque chose qui nous avait marqué, on va dire, ces dernières années. Le côté stabilité de la Mercedes, en termes de résultats en tout cas. Et voilà, George Russell, il peut très très bien tirer parti d'une bataille entre les trois devant, hein, Verstappen, Norris et Piastri, qui se prennent les points les uns les autres. Et si le package de mise à niveau de la Mercedes, il est vraiment au point, puisque là, ça y est, ils ont comme une bonne base et ils ont compris ce qui allait pas et tout ça, ça peut, voilà, on peut peut-être faire une petite McLaren 2023-2024. Ça pourrait être très intéressant quand même. Je trouve que ça pourrait être très intéressant d'avoir un quatrième prétendant au titre mondial, ouais. Non, ça serait quand même quelque chose de vraiment sympa, en tout cas à voir. En tout cas, on le souhaite pour la F1, pour le spectacle, ça c'est sûr. Pour les fans de Georges, parce que il y en a quand même pas mal. Peut-être moins en France, mais en tout cas beaucoup beaucoup en Grande-Bretagne. Et non, c'est bien. Puis moi, je voulais un petit mot quand même de félicitations pour Antonelli, qui a quand même traversé son épreuve du feu des 5 premières courses avec des circuits vraiment pas faciles à aborder. Il a été vraiment extrêmement constant, rapide, beaucoup d'apprentissage, pas de mouvement kamikaze, comme dit Toto Wolff, pas d'accident bête, très solide, très rapide. Si on l'avait déjà dit la semaine dernière, si Toto Wolff a l'occasion de signer à Max Verstappen, je lui souhaite bien du courage pour savoir lequel des deux il faudrait éliminer de l'équation pour 2026. Il faudrait éliminer Max Verstappen de l'équation. Personne n'élimine Max Verstappen de l'équation, je peux dire. Bottas, c'est Verstappen troisième pilote. Tout le monde l'a dit. Une année en réserviste, et puis s'il fait ses preuves dans le simulateur. Ça fait cher le réserviste quand même, je pense, à mon avis. Oui, c'est sûr. Le vendredi soir à Brackley. C'est ça, il passera la nuit dans le simu pour aider Russell et Antonelli. Après, il y avait la rumeur année sabbatique aussi. Hein. C'est-à-dire que Verstappen pourrait très bien faire autre chose en 2026, un peu de GT, un peu d'endurance, et puis attendre de voir quelle est la bonne équipe sur laquelle miser, et arriver en 2027. Et vu sa puissance, son aura, et son côté voilà, meilleur pilote actuel de la F1, sans aucune, je pense, contestation possible de la part de même de ceux qui ne sont pas fans de lui, j'espère en tout cas, puisque même moi qui suis pas spécialement fan de Verstappen, je reconnais quand même que c'est le meilleur pilote actuel. Je pense que n'importe quelle équipe se débrouillerait pour lui faire une place, pour l'accueillir en 2027, si ça marche très bien chez eux. Oui, ça c'est sûr. Mais ça reste une rumeur évidemment un petit peu folle. Oui. Alors on a sincèrement BBA dans le chat qui nous dit « Mercedes restera fiable et terminera les courses, mais les pilotes ne sont peut-être pas à la hauteur de leur matériel pour une top team ». Ben, je vois pas à quel moment on peut dire que les pilotes sont pas à la hauteur quand on voit au niveau qu'est Russell depuis son arrivée chez Mercedes et ses progrès, et quand on voit immédiatement la manière dont Antonelli se met dans le rythme, ou pas loin, et qu'il est solide en course, et qu'il va au bout des courses, et qu'il fait pas d'erreur. Je vois pas à quel moment on peut dire que les pilotes sont pas à la hauteur de l'équipe. Et pour moi, c'est vraiment... Pour moi, la voiture est exploitée comme il le doit. Faut pas oublier que l'an dernier, ils avaient Hamilton-Russell qui était quand même le meilleur duo du plateau. Hamilton est parti, il est remplacé par Antonelli qui est pas loin de Russell non plus. Donc, encore une fois, on évite les triangulations un peu basiques et simples. Mais malgré tout, quand on se laisse un peu pencher vers ça, bah, on voit que ça fonctionne très bien chez Mercedes et que la voiture est exploitée comme elle le doit. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour eux. Après, oui, effectivement, Max a une année sabbatique. Bah, c'est vrai qu'en tant que jeune papa, il aurait peut-être envie de consacrer autre chose que la Formule 1. Mais en même temps, c'est un peu compliqué. Même si tout Verstappen qui soit et tout tapis rouge que lui dresseront les équipes, rater une année, c'est quand même un peu délicat parce que c'est une année de gros changements, que les autres vont prendre un maximum de kilomètres avec les voitures. Il ne faut pas oublier qu'il y aura 9 journées d'essais hivernaux. Ça fait quand même 4 journées et demie par pilote. Donc, il y aura beaucoup de kilomètres abattus pour... pour rouler avec ses voitures, plus 24 courses derrière, donc on sait à quel point ça fait des kilomètres, et c'est un retard qu'il pourrait prendre. Alors c'est Verstappen, donc il sait s'adapter, mais c'est un pari qui serait quand même osé, et c'est un coup à revenir en n'étant plus le Verstappen qu'on a connu avant. On sait que ça peut, même une année éloignée, ça peut coûter cher. Si année sabbatique il y a, la triple couronne ne pourrait-elle pas intéresser Verstappen? Bah, le problème de Verstappen, c'est qu'il faudrait qu'il trouve un... Enfin oui, la triple couronne, il a encore besoin de deux courses, qui sont les 24 heures du Mans et 500 miles d'Indianapolis. Donc il faudra sûrement plus d'un an pour les avoir tous les deux, quoi, parce qu'il faut quand même... Les 500 miles, c'est quand même une course très compliquée à remporter, et les 24 heures du Mans aussi. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et pas pour Max Verstappen, qui aura peut-être un petit problème pour s'imposer au premier freinage, puisqu'il n'y a pas de freinage. Oui, tu ne peux pas couper, tu ne peux pas pousser un mec hors piste ou passer hors piste, parce que ça n'existe pas. Là. Donc, on est taquin, évidemment. Taquin, c'est ça. Et voilà, c'est vrai que non, c'est un peu. C'est la triple couronne, évidemment, c'est un grand défi pour tous les pilotes, mais ça reste compliqué. On a vu Alonso se casser les dents à l'Indy 500. Certes, parce que McLaren n'était pas au top, mais même après, quand il y allait avec d'autres équipes, c'était pas non plus parfait. Donc, enfin, même avec le soutien d'Andretti, en tout cas, c'était pas parfait. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des rumeurs Red Bull Honda pour 2026 pour faire rester Verstappen? Oui, oui, totalement. Clairement. C'est de toute façon, il va falloir essayer de d'éviter ses envies de départ. Moi, je maintiens mes 20 balles sur Aston Martin, mais effectivement, c'est un peu, ça va être tendu. Hein. Clairement, je ne suis pas confiant pour mon pari. Faut dire que je me mets dans mon Outlook ça, 31 décembre. 20 euros point d'interrogation, Manu. 1er août. Ouais, il nous payera une bière. Oui, quand on se verra. Voilà. Évidemment. Non, mais je serai bon joueur. Si je perds, je Alex trouvera bien une bonne brasserie parisienne qui est pas trop chère à 15 balles la pinte. Un happy hour. Un happy hour. Pas trop cher. 15 balles le demi. Ouais. Et on rappelle évidemment, on boit avec modération. On va passer à Williams, puisque Williams a fait un très très bon week-end avec une Q3 pour Carlos Sainz qui se qualifie 6e, Alex Albon se qualifie 11e, très très proche de la Q3, et puis les deux pilotes ont terminé 8e et 9e en assurant une belle stratégie, puisqu'ils ont fait en sorte de se retrouver pas loin l'un de l'autre et de créer un train de DRS pour que Albon ne soit pas menacé par les voitures derrière lui et puisse profiter de la voiture de Sainz devant lui pour se faire trimballer jusqu'à l'arrivée. Donc très bien joué de leur part, parce qu'effectivement ils ont plutôt que décidé de tenter de faire un bon résultat avec une voiture, ils ont mis les deux dans le top 10, et ça fait quand même une 8e place et une 9e place, soit 6 points de plus pour Williams, qui reprend la 5e place au championnat des constructeurs. Donc globalement c'était plutôt bien joué de la part de Williams, et qui a été clairement la 5e force du plateau ce week-end. Ouais, super week-end de Sainz, hein. Il bat Hamilton et Tsunoda en qualif, et Albon au passage, et voilà, il a vraiment débloqué, hein. Il a eu trois premiers Grands Prix très difficiles, et là on sent qu'il a vraiment débloqué du potentiel. C'est déjà le cas à Bahreïn, où il avait pâti d'une stratégie catastrophique, là il a eu un arrêt très long, je crois, plus de 6 secondes, mais ouais. Vraiment super week-end de Sainz, qui semble avoir maîtrisé cette Williams. Il a dit, il me faudra un peu de temps, voilà, il confirme ses bonnes dispositions, super jeu d'équipe, hein, aussi avec Albon qui était parti un peu plus loin, et les deux pilotes Williams l'ont dit, ils avaient beaucoup plus de rimes, hein. S'ils avaient voulu lâcher un peu Hadjar, ils auraient sûrement pu le faire, donc ils étaient clairement la cinquième force ce week-end. Ils repassent cinquième au classement, donc c'est franchement mérité, il n'y a rien à dire, hein. ils ont tout maximisé, donc vraiment bravo, bravo à Williams après un week-end de Bahreïn un peu plus compliqué. Ouais, tout à fait. Franck, toi, tu... Pas beaucoup plus à ajouter, effectivement, super, super week-end de Williams. La surprise, finalement, de la saison, je pense que James Vowles est focus à fond sur 2026. Bah, il sort une voiture 2025 qui quand même éclate la plupart des voitures du peloton, donc c'est quand même assez impressionnant. À quel point les deux pilotes, voilà, le duo Sainz-Albon, permet de tirer encore plus de cette voiture que ce qu'elle ne vaut. On ne le sait pas encore, en tout cas on sait que le duo est très solide. Enfin, Sainz répond présent, voilà, donc il avait dit, hein, 5 courses pour s'intégrer, ça a l'air d'être à peu près ça. Bon, après, on fait attention parce que Jeddah, c'est quand même un circuit un petit peu particulier, Miami aussi. On essaye de voir à peu près ce que donnera Sainz par rapport à Albon sur des circuits plus traditionnels quand on arrivera à Imola, Barcelone, notamment, pour vraiment se faire vraiment une idée, voilà, claire, nette et précise du niveau entre les deux. Si ça reste comme ça de manière très très équilibrée, bah c'est parfait, c'est que Jens Voltz aura vraiment réussi son recrutement. Il aura eu raison d'insister pour avoir Power Sense, parce que voilà, pour dire que lui c'est plus du flirt hein, qu'il l'avait, c'était comme Roméo et Juliette, hein, il fallait monter à la tour, c'était la saison des amours aussi, voilà. C'est ça, donc non, mais voilà. Et je pense que du coup, Sense regrette encore moins du coup son choix, hein, voilà, clairement, parce que pour lui, il a vraiment signé pour le projet 2026, c'est pas pour 2025. Et quand il se rend compte que finalement chez Ferrari, ça patauge un petit peu, et finalement, il loue peut-être pas grand-chose, si ce n'est quelques podiums, et pas encore de victoire pour l'instant, il se dit que finalement chez Williams, il est pas si mal que ça avec un nouveau projet, et qu'avec un moteur Mercedes l'année prochaine, ça peut vraiment faire des étincelles. Voilà, c'est ça. C'est ça, sans compter que Williams a décidé de ne plus faire de nouveautés, de nouvelles évolutions pour 2026, donc hormis ce qui a été déjà validé ou ce qui n'inclut pas d'utilisation de la soufflerie. Donc, 2025, tu voulais dire. Oui, pardon, 2025, et tout mettre sur 2026 à partir de maintenant. Donc c'est la fin de saison risque d'être un peu plus compliquée du coup, forcément, mais comme l'a dit Vols, Williams qui voit à court terme, c'est fini, ça c'était le passé. Maintenant, on a une équipe qui vise le long terme et qui veut remettre le projet de manière durable sur les rails. Et je pense que c'est une très bonne stratégie. Et compte tenu de la manière dont ça a travaillé chez Williams maintenant, je suis quand même plutôt optimiste pour eux. En plus, le moteur Mercedes, hein, on sait que c'est le gros avantage, comme tu disais. Donc, je pense que ça va être intéressant. Mais effectivement, c'est un bon choix d'avenir. Moi, je pense que là, en plus, ils ont un très bon duo de pilotes. Donc, pour moi, c'est... ouais, c'est comme sur un bulletin de notes, c'est encouragement et on continue comme ça. Et des pilotes en plus qui ne sont pas politiques surtout. Ça, c'est très, très, c'est très très bien pour une équipe comme pour Williams pour avancer. Bah là-dessus, c'est un super recrutement parce qu'on sait que Sainz s'est toujours entendu avec tous ses équipiers, il commence à en avoir eu un paquet. Ça s'est toujours bien passé globalement et Albon a l'air d'être quand même un mec super facile à vivre. Donc ouais, on voit qu'il y a zéro souci, les deux cèdent, les deux s'échangent des informations et ça travaille pour vraiment bien fonctionner. Non, mais Sainz est politique, effectivement, Milton Lomax, parce qu'il a son paternel, il est politique dans la manière de peser sur le marché et de peser parfois auprès des commissaires, on l'a vu, parce qu'il arrive quand même à échapper à pas mal de choses, mais dans une équipe, il joue le jeu de l'équipe, alors il fait... Chez Ferrari, il est politique, mais pas dans le mauvais sens du terme. Quoi. C'est chez Ferrari, quand il avait envie, quand il essayait de viser la première place, mais on était dans un top team, donc c'est normal. Il essayait de placer des petites déclarations effectivement qui pouvaient le placer devant Leclerc ou en tout cas essayer d'embellir son image, mais au demeurant là il est totalement conscient qu'il est dans un projet qui n'a pas besoin de ça et on voit qu'il a totalement changé sa manière de communiquer et pour moi c'est une des grandes forces de Sainz, c'est son intelligence et sa compréhension de l'environnement qui l'entoure. On ne voit jamais le même Sainz selon les équipes dans lesquelles il est et ça c'est vraiment un signe d'une grande intelligence et d'un très bon management, là-dessus il n'y a pas de doute non plus. Et je pense que c'est pour moi c'est un des trois meilleurs duos du plateau chez Williams actuellement et je pense que ça va continuer à faire une bonne émulation dans l'équipe. Nous allons passer à Racing Bulls, pardon, j'ai encore RBF1 sur mon truc, du coup j'ai le nom de l'an dernier, non, c'est Racing Bulls, pardon. Adjart, ça reste vrai. Oui, ça reste, et ils n'ont pas vraiment de, voilà, ça, c'est Racing Bulls des F1, du moment où je ne dis pas AlphaTauri, tout ira bien. Isaac Adjart termine 10e, marque un point charmant, il est charmant de récupérer. Lawson termine 12e, il était 11e à l'arrivée, il se prend une pénalité, alors on va y revenir après, je fais je sépare bien les deux. On a déjà parlé de la 10e place d'Adjar qui pensait pouvoir aller chercher les Williams et qui s'est vite rendu compte en fait que il allait être complètement bloqué dans ce train DRS alors qu'il avait réussi à, comme il l'a dit, fondre sur Albon en quelques tours après son arrêt au stand. Mais globalement, une très très belle course d'Isaac Adjar avec un week-end solide, même si les qualifs étaient un peu décevantes pour Racing Bulls. Et un point de plus pour le français. Je ne sais pas qui de vous prend la parole pour commenter la performance d'Isaac. Franck, allez. Allez. non, c'est super, hein, franchement. Les points valent cher hein, cette année. Donc, quand en plus vous avez deux Williams devant vous, et heureusement que Tsunoda du coup est éliminé, on va dire, parce que voilà, si on est dans l'ordre logique des choses, il y a 8 voitures des top teams devant. Il reste que deux places dans les points à prendre et il faut vraiment être le meilleur des autres à chaque fois pour y prétendre. Donc il peut remercier quand même aussi voilà, bah, Tsunoda et Gasly de leur accrochage, je pense, parce que sinon je pense que ces deux pilotes finissaient devant. Donc c'est aussi un petit peu grâce à des circonstances un peu voilà, de course. Encore, il n'y en a pas eu trop, hein. C'est Jeddah, certes il y a eu une safety car, mais était quand même assez limité en termes de conséquences sur le peloton. Mais il fallait être là, il fallait être à l'arrivée, il fallait être bon, la stratégie n'était pas trop compliquée, donc c'est encore pas sur ce Grand Prix-là qu'on va juger Racing Bulls, voir s'ils ont progressé. Mais non, mais Isaac, très solide, très très solide. Et un peu plus menacé quand même sur ce Grand Prix-là par Liam Lawson, quand même, à noter, qui s'est quand Finit même. derrière en qualif. Ouais, qui, voilà, qui est un. Exactement, oui, Lawson était devant. Donc attention quand même, parce que voilà, Lawson est en train de reprendre aussi ses marques. Et donc, ça sera forcément une voiture de plus à battre, du coup, pour pouvoir accéder aux points. Mais voilà, les points valent très cher cette année. Et c'est pas évident de faire mieux que 9 ou 10 quand on est dans le peloton. Quand on fait 10, on est content. Même si Isaac aurait voulu faire mieux, et je pense que tout le monde aurait voulu faire mieux, c'est déjà très bien d'avoir pris ce point. C'est parce qu'une fois que le rythme sera plus ou moins établi pour les 4 top teams, ça sera plus cher à prendre, quoi. Là, on a vu que sur le début de saison, il y a quand même eu des petites choses, il y a eu de la pluie, il y a eu des petits accidents, des choses qui ont fait que pas mal de petites équipes ont pris des points. D'ailleurs, toutes les équipes ont marqué des points. Je sens que ça va quand même être plus compliqué sur la, voilà, on va attaquer c'est quoi, deuxième quart, je sais pas si on peut appeler ça encore un quart, deuxième cinquième de la Quasiment saison. Deuxième quart, ouais. On est Ouais, c'est ça, deuxième après cinquième. Miami, on peut dire deuxième cinquième, pour vous dire, tellement il y a de courses, il faut diviser ça en cinquième de saison maintenant. Donc le deuxième cinquième de saison va commencer un peu à se stabiliser aussi. Donc les points vont valoir de plus en plus cher là quand même. Voilà. Et je crois décider un petit peu de sarcasme dans le commentaire de Nico qui demande Hadjar dans la Red Bull à quelle course? Puisqu'effectivement, Tsunoda a eu un abandon et Hadjar a fait remarquer un point. Donc Helmut Marko doit déjà être en ébullition dans le garage Red Bull pour savoir à quel moment il va faire l'échange fatal à Tsunoda. Non, mais ça, c'est vrai que... Mais comme il a dit que Tsunoda resterait jusqu'à la fin de la saison dans la Red Bull, on peut penser à un remplacement d'ici. À l'été à peu près. Non, parce que Red Bull a demandé un acompte à Honda, sauf qu'Honda ils ont tout envoyé. Ah ouais. Pas tout, nous. Vous gardez. Prenez le moteur aussi. Attendez, prenez le moteur aussi. On vous envoie le stock 2026 dès maintenant. Et oui, mais oui, mais. En fait, en DAI, ils avaient de l'avance parce qu'ils ont inventé le moteur qui coupait en ligne droite, c'est le moteur 2015. Mais c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'il Verstappen plus Tsunoda toujours avec un moteur Honda l'année prochaine. Ah bah. Bon, on a re-bifurqué encore de le sujet. DK est sympa. Mais ça, non, mais c'est vrai que c'est un. En fait, c'est une rumeur improbable, mais elle est en même temps vachement séduisante pour le ticket Red Bull Honda. Et on va parler de ce pauvre Liam Lawson. Alors, il finit effectivement derrière Hadjar, quoi qu'il arrive, mais il est pénalisé. Alors, je refais la scène. En gros, il prend l'aspiration sur Jack Doohan, début de la ligne droite, donc à la sortie du virage 27. Il le dépasse à peu près au niveau de la ligne d'arrivée, donc qui est quand même aux deux tiers, voire trois quarts de la ligne droite. Il est largement devant, c'est-à-dire que Doohan se rabat derrière lui. Et puis, Lawson rate son premier virage, donc approximativement, on va dire, bien 200 mètres après le dépassement. Il ressort devant, il ralentit un petit peu pour ne pas gagner de temps sur Doohan, c'est-à-dire qu'il récupère, il revient pile devant l'Alpine, et il prend 10 secondes de pénalité. Donc, voilà, bah je bravo la FIA encore, hein, de nouveau, on va encore en parler, mais bravo les commissaires qui ont décidé que le dépassement n'était pas valide et qu'il a été fait hors piste, alors que vraiment, littéralement, il y a au moins 200 mètres d'écart entre les deux. Voilà, et en plus il a tenté de prendre le virage. Enfin, voilà, je veux dire, c'est juste une erreur de pilotage et il perd du temps puisqu'il était largement devant avec le DRS. Et quand il reprend la piste, Doohan est derrière lui dans l'aspiration. Donc, voilà, je sais pas si vous avez vu la manœuvre, vous deux. Ouais, mais... je l'ai vu, mais il y aurait eu des points en jeu. Je dis que droit de révision s'imposait clairement. Ouais. Bon, après il finit 11e sur la piste, 12e du coup. Avec les 10 secondes de pénalité, parce que c'est Alonso qui prend la 11e place. Il prend des points de pénalité ou pas avec ça? J'ai pas fait gaffe. Non, non, non. Okay. Mais clairement, la FIA, là, je sais pas, ils étaient endormis, quoi. Je comprends. Digestion, hein, toujours. Voilà, ça veut dire, en gros, tu peux même plus louper une chicane, quoi. C'est-à-dire que c'est ça que ça veut dire. Là, pour le coup, c'est même beaucoup plus propre que ce qu'a fait Verstappen, quoi. Verstappen, il prend que 5 secondes. Lui, par contre, il file devant, quoi. Et encore, il a eu de chance de pas avoir de points de pénalité, parce qu'il en était déjà à 5. Ouais. Il fait tâche. Mais non, non, je pareil, j'ai pas compris là. Et je pense que on a déjà vu la FIA s'excuser, revenir sur des décisions, mais pour le coup là, ils l'ont pas fait donc. Bolus nous demande si c'était pas à cause de l'accumulation de sorties de piste. Non, parce que c'est 5 secondes si c'est le cas. Quand tu arrives à 3 strikes, puis un drapeau noir et blanc, puis une autre erreur, c'est 5 secondes, donc c'est pas 10 secondes. Donc non, non, c'était effectivement. Ouais, le commissaire a dû se réveiller à ce moment-là, le voir dehors, et le voir devant, ils ont dit Ouh là là, 10 secondes. attendez, 10 secondes. Puis en fait, les autres dormaient à côté, donc apparemment à Genève aussi, dans la control room. Donc en fait, voilà, je pense qu'il va falloir peut-être faire une commande de café à la fois à la FIA de manière à tenir la course. Ouais, la plus injuste des pénalités pour l'instant, en tout cas. Ouais, de loin. Et effectivement, c'est quand même le double de secondes qu'a pris Verstappen. Hein, on rappelle, alors Verstappen a l'avantage d'être au premier virage, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Oui, effectivement, après pour Lawson, c'est quand même encourageant parce qu'il se remet un petit peu à performer. On sent qu'il reprend un peu confiance. Moi, ça me rassure un peu pour lui. Sachant que la semaine dernière, je disais, je commençais à m'inquiéter pour son manque de performance. Alors, on va passer à Aston Martin. Alors, Fernando Alors, on Alonso. peut s'inquiéter pour son manque de performance. Fernando Alonso termine 11e et donc continue cette belle série de 0 points entamée en début de saison. Son meilleur résultat de l'année. Hein. Oui, c'est ce qu'il disait. Hein. Il va peut-être passer l'année comme ça. Et Lance Stroll termine 16e après un week-end. Bah, écoutez, plutôt. Il a passé le dernier en Q1. Comment dire ça gentiment? Plutôt discret. Hein. Un bon record de Q1 pour lui. Ça peut, bon, ça, on te laissera en parler, Manu, parce que vu qu'il attaquait les pilotes McLaren en même temps. Ouais, après, c'est vrai que c'était un attaque un peu déguisé, mais c'était. Oui, effectivement, il a dit que dans la voiture qu'il a, c'était difficile de faire autre chose que Q1, et il a dit que s'il avait une voiture comme la McLaren, il ferait sûrement alors, moins de Q1. Alors qu'Alonso fait pas de Q1, lui, enfin, oui, il en a fait, mais il a réussi à s'en sortir, la preuve. C'est ça, et voilà. Mais Alonso, non, mais Alonso, par contre, c'est. Tu parlais tout à l'heure, au tout début d'émission, de, tu sais, des objectifs que se fixaient les équipes en termes de temps en tour à atteindre. Oui. Pour eux, c'est juste essayer de faire aussi bien que l'an dernier, parce que pour l'instant, la MR25 est la seule voiture qui fait des moins bons temps que l'an dernier. Alors qu'en plus, il y a des pneus plus tendres hein, cette année. Donc, ouais, et ils ont gaspillé tous les trains de pneus en Q1. C'est hein. ça, exactement. Alonso n'a plus rien en Q2, il fait quand même une 13e place, 14e. Ouais. C'est quand même pas mal. Ouais, il a dit, vous pourrez nous donner des millions de trains, c'est Stroll qui avait dit ça, c'est pour nous donner des millions de trains de pneus, si la voiture elle passe pas la Q1, elle passera jamais la Q1, quoi. Bon, 1 million de trains de pneus, je pense qu'à un bout d'un moment, tu peux réussir à et trouver puis, des et choses. Et apparemment, hein. avec 3, elle passe quand même la Q1, donc c'est un peu le problématique. Que... Prendre entre 3 et plusieurs millions, c'est qu'il y a un petit écart hein, voilà, entre les deux nombres. Mais... Oui. Non, mais c'est ça, non, non, mais c'est vrai que là, la déclaration de Stroll, elle ne va pas parce qu'en fait, au-delà de s'attaquer un peu aux pilotes qui ont des bonnes voitures et qui méritent d'avoir des bonnes voitures, c'est surtout que bah, son équipier franchit la Q1 plus souvent que lui, et c'était déjà le cas avec face à Vettel. Donc au bout d'un moment, faut pas non plus. Pas non plus remettre en cause le problème que dans la Aston Martin numéro 18, il y a un souci entre le volant et le baquet, quoi. Mais Laurent Stroll va racheter Pirelli. Ok, mon fils veut des millions de pneus, pas de souci. Après, bon, Alonso, il est quand même assez pessimiste, quand même, puisqu'il dit quand même que la voiture, elle progresse pas du tout et que ça l'étonnerait pas, ça serait pas étonné voilà, de finir la saison sans aucun point. Bah, je crois pas, il y aura forcément des. Oui. Un moment, un autre, ça va s'aligner les planètes pour qu'il marque quelques points. Stroll en a marqué deux fois, hein, je veux dire, au bout d'un moment, faut pas non plus. S'il a zéro point et que Stroll en a des points. Autant jouer à l'euro-million, hein, je veux dire. Si on est, voilà, moment, c'est ça. Si on est honnête 5 minutes, si Stroll a pu marquer des points avec cette voiture, Alonso peut le faire et va le faire. Je m'inquiète pas pour lui. Mais effectivement, je comprends que ce soit un peu frustrant pour lui d'en être là, quoi. Après, je tenais à répondre à Yves dans le chat qui me dit Manu, tu es politique en disant discret au niveau de Stroll. Je ne suis pas politique, je suis bienveillant. Voilà. Mais, même si on l'a un peu déglingué juste après. Non mais voilà, c'est qu'Aston Martin, bah en fait le problème c'est que c'est toujours, enfin c'est le même niveau quoi, ça joue à peine la Q2, ça joue pas vraiment les points, à la régulière c'est ventre mou et puis ça va pas s'améliorer sur l'année, donc c'est pas terrible quoi. Ça donne envie de signer chez Aston Martin pour un certain Max V. Ouais mais parce qu'il sait que ça 20 peut... balles, hein, je te rappelle. Oui, moi je mets mes 20 balles en visant, j'ai une vision à long terme, je suis Oui, très long terme même, hein, j'ai envie de dire. J'ai eu son deuxième de... enfant d'ici là. Deuxième chose en tête. Mais non, mais il y a mieux à venir évidemment, mais là ils ont voilà, ils ont une voiture qui est merdique, évidemment que Newey va pas mettre ses mains là-dedans et puis on va passer à autre chose. Ah oui, donc, il a dit clairement Cowell c'est Newey même pas il l'a regardé le truc, il a dit, je ne peux rien pour ce il est ingénieur, il est pas magicien. C'est ça, il a dû dire attendez, je vais pas travailler sur cette merde, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une voiture de course et puis ça ira mieux. Conçu par un certain Dan F en plus. Ouais, c'est ça. Le 19 tables, j'ai mal formé celui-là. On va passer à Haas qui ne marque pas de points avec la 13e place d'Oliver Berman et la 14e d'Esteban Ocon. Ça reste une 6e place au championnat, mais c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué pour Haas et en particulier pour Ocon ce week-end à Jeddah et la voiture n'était pas vraiment performante. Ça a manqué un petit peu, c'était un peu mieux en course paradoxalement. C'était, il y a eu une petite remontée de la part d'Ocon, mais ça reste globalement pas terrible. Ce week-end, sur un circuit qui était très différent de Bahreïn, là où la voiture était performante. Donc, on peut imaginer que, globalement, les courses sur les circuits plus rapides vont quand même être un peu plus compliquées pour Haas que les courses sur les circuits un peu plus stop and go comme Bahreïn. Ouais. Bah Ocon prend quand même 5 dixièmes Berman en Q1. Donc, je ne sais pas comment vraiment expliquer l'écart, mais c'est clairement un gros écart qui pique pour Ocon. Et ensuite, Berman finit quand même assez loin après de Hadjar, 15e en Q2. Donc, effectivement, c'était un circuit qui a moins bien réussi à la Haas. Et ensuite, ils étaient un peu dans le ventre mou. Il n'y a que Hülkenberg et Stroll, hein, et Doohan, Bortoleto qui finissent derrière eux. Donc, c'était clairement un week-end sans. Mais bon, ça arrive. Hein. Je pense que Haas n'a pas le niveau d'un Williams pour être partout un petit peu régulière. Il n'y a rien de scandaleux. Bon. Ce genre de Grand Prix se répétera aussi pour Haas cette année. Mais c'est quand même, ça fait quand même plusieurs fois qu'Ocon se prend une petite rouste à part de Berman en qualif. Après, il a été fair play. Hein. Canal+, en tout cas, Micro Canal+, il a dit bon, j'espère au moins que Oliver va faire quelque chose de bien en course. Voilà, tout ça. C'était voilà, un peu plus fair play. Mais on sent quand même un petit peu d'agacement. Non, mais il a joué leader, c'est bien. Mais c'est vrai que oui, ouais. Il est un peu frustré, je pense. Il va pas falloir non plus qu'il soit se battre trop souvent et beaucoup trop durant. Parce que je pense pas que Komatsu s'attendait à ça non plus. Hein. Certes, on savait que Berman était une petite pépite. Mais de là à mettre une raclée constamment au con, pour l'instant on n'est pas là, mais si ça vient à se préciser, attention pour la réputation de Ocon et la suite de sa carrière, clairement. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, il a quand même fait des bonnes courses et globalement il fait des bons résultats au bon moment, donc je ne m'inquiète pas sur l'ensemble de l'année, mais c'est vrai que Berman est rapide. Après, on n'est pas étonné que Berman soit performant quand on voyait ce qu'il a fait l'an dernier quand il a fait des piges dans des conditions notamment à Jeddah chez Ferrari, et puis après les deux piges qu'il avait fait. Alors celle de Brésil était plus compliquée, mais en même temps les conditions étaient tellement horribles que c'est pas, on lui en veut pas. Il faut pas oublier qu'il était allé marquer des points à Bakou sur un circuit quand même compliqué, en allant en plus dépasser Nico Hülkenberg en fin de course, donc son équipier du week-end. Nico nous demande, Ocon a beaucoup parlé d'adaptation à la Haas, est-ce que c'est ce qui le rend moins performant? Possiblement, il y a peut-être des week-ends où c'est un peu plus compliqué de se mettre au maximum de la performance de la voiture, effectivement. Il y a pas mal de réflexes à revoir, mais bon, là il y a 5 courses, il a l'expérience, pour moi c'est plus trop un sujet, l'adaptation, je pense. Bah, par contre, il parle plus trop des oscillations aérodynamiques qu'il savait, donc non. Est-ce que c'est encore un sujet ou pas? Je pense pas, mais ça, le plancher, a priori, avait fait des bons résultats pour ça, et l'évolution du plancher qu'ils avaient eu à Suzuka, de mémoire. Ce qui veut dire qu'ils ont réussi à régler un problème très très rapidement chez Haas, ce qui est quand même pas donné, étant donné l'histoire de l'équipe à ce niveau-là. Ce qui est plutôt rassurant, d'ailleurs, pour la suite. Je vais éviter de mettre un fion à Gunther Steiner, mais j'en pense pas. j'en pense pas, moi. C'est l'avantage d'avoir un ingénieur de formation comme Komatsu à la tête de l'équipe. C'est ça. Et puis un directeur qui a une vision à long terme, on en revient toujours à ça, mais c'est vrai qu'à la fois, c'est un peu même scénario que chez Vols, c'est quelqu'un qui... Enfin, de chez Williams avec Vols, c'est quelqu'un qui a une formation d'ingénierie qui est à la tête de l'équipe, qui voit les enjeux des équipes, qui voit la manière dont une équipe doit travailler pour progresser. Et c'est vrai que c'est clairement ce qui manquait à Steiner. Hein. Steiner qui avait une vision toujours à court terme. Sauf quand il s'agissait de développement, où il disait non, mais il faut qu'on fasse un gros développement dans 15 courses. Et ça ne marchait jamais. Donc ça ne m'a pas marché plusieurs saisons de suite. Mais après, voilà, c'était. Steiner a eu d'autres défis à gérer. Je ne vais pas non plus l'accabler. Il a quand même géré une équipe Haas qui était exsangue en termes de moyens entre 2018 et 2021. Et au point de devoir recruter Nikita Mazepin. Donc. Faut pas non plus tout rejeter la faute sur Steiner, mais c'est vrai qu'on voit la différence depuis que Komatsu a repris les rênes. Ça, c'est certain. Clairement. On va passer à Sauber. 15e place de Nico Hülkenberg, 18e place de Bortoleto, qui s'est distingué en course en tassant son manager. Enfin, son manager, j'exagère un peu, mais le patron de l'entreprise qu'il manage, on va dire, dans le mur, Fernando Alonso en l'occurrence, ce qui a d'ailleurs, Oscar Piastri a dit dans la cool room que Bortoleto avait sûrement plus d'avion de retour pour rentrer après le week-end. Mais effectivement, bon, ça a été un week-end un peu compliqué pour Sauber de nouveau. Hein. Voilà, on est encore une fois dans le fond de gris, clairement. On n'est pas très loin, mais ça reste compliqué malgré quelques bons chronos de Hülkenberg sporadiquement dans le week-end, on va dire. Oui, bon, écoute, comme on l'a dit, on le dit souvent maintenant sur cette émission, c'est que il faut des premiers du peloton et des derniers du peloton, et Sauber est quand même plus abonné étant vers les derniers du peloton que vers les premiers, même s'ils ont réussi à marquer des points déjà cette année quand même, faut le souligner. Et c'est pas des bons derniers, c'est des derniers qui jouent quand même des positions. Donc après, ça manque encore un poil de performance, clairement. Même si Hülkenberg a réussi à sortir des belles choses, pour l'instant il n'y a pas de miracle, en tout cas sur ce Grand Prix là. Bortoleto, il tient quand même plutôt bien son rang aussi, donc ça c'est une bonne confirmation. En Q1, il prend une demi seconde. Il a pris un tour de Q1. C'est ça. Sinon bon, il est compliqué quand même. Oui. Il n'a pas détruit la voiture déjà. C'est déjà pas mal. Ce qu'ils ont dit, ouais, d'ailleurs, le bon bilan, c'est qu'il n'y a pas de voiture détruite, ni de dommages, donc ça c'est quand même assez cool pour eux. Donc c'est Jonathan Mitley, hein, le nouveau directeur d'équipe en provenance de Red Bull, qui était directeur sportif avant, qui supervise maintenant les week-ends en piste, sous la direction de Mattia Binotto. Qui donc se félicite effectivement du fait qu'il n'y ait pas de dommages et que la performance, elle est pas si négative que ça quand même. Voilà, c'est que c'est juste il y a encore du travail à faire, mais clairement 2025 c'est pas leur objectif, quoi. C'est pas leur mission 2025. Donc leur mission pour à eux, c'est de, s'il y a des choses à faire, c'est de faire en sorte que les processus, les méthodologies, les concepts, les développements soient validés et fonctionnent, ce qui permettra effectivement de poser de bonnes bases pour la suite. Bon, pour 2026, parce que on rappelle quand même que 2024 est extrêmement pénible pour Sauber et que beaucoup de choses n'ont pas marché. Donc là, le but, c'est quand même pour eux de mettre sur pied une équipe qui, lorsqu'elle fait des choses, fonctionne. Faut que ça fonctionne. Donc ils sont dans ce train-train là, on va dire. C'est un train-train qui va durer jusqu'à la fin de l'année. Hein. Donc, clair, ils sont pas là pour sortir des pièces et des pièces et des pièces pour essayer d'améliorer leur position au classement. Ils en ont strictement rien à faire. L'objectif, c'est Audi 2026. Donc voilà, du moment que ils se tournent pas en ridicule, on va dire, ou se font humilier à tourner à une seconde des autres, j'ai envie de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, et le cap, il est clairement sur l'année prochaine. L'an prochain, d'ailleurs, une seconde des autres, ça sera sûrement pas une humiliation, ça sera sûrement une troisième ou une quatrième place, hein, si jamais. Oh non, parle pas de malheur. Sauf si c'est Ferrari devant. Hein. Oui, enfin, voilà, c'est toujours pareil. Malheur à géométrie variable, évidemment. C'est ça. Alors moi, je voulais juste faire un rappel à la FIA, parce que je suis désolé, hein, je vais encore revenir dessus, mais il y a une règle dans le règlement sportif qu'ils doivent connaître, qui est qu'un pilote doit laisser la largeur d'une monoplace à un autre quand ils sont côte à côte. Quand c'est pas le cas, on voit qu'un pilote est sorti de la piste ou alors qu'il se fait mettre dans le mur. Et normalement, quand le pilote se fait mettre dans le mur, c'est une circonstance aggravante. Donc techniquement, quand un pilote ne laisse pas la place et met l'autre dans le mur, ça vaut une pénalité. Voilà, je rappelle ça juste que Bortoleto aurait dû être pénalisé pour avoir mis Alonso dans le mur, parce qu'en fait, il dit qu'il l'a pas vu. Il était concentré sur l'autre pilote devant lui. J'ai aucun problème. Effectivement, il est concentré sur le pilote devant. Alonso arrive très vite derrière. Les voitures sont en train de bouger, etc. Le fait est que l'infraction, elle est là, et elle est plus grave que quand on voit un pilote tasser un autre avec deux roues légèrement hors piste. Quand Lawson, encore une fois, prend 10 secondes pour une sortie de piste qui se fait post-dépassement, pour moi, ça, c'est un drive-through, en fait. Si on adapte l'échelle de gravité des faits, alors dans les faits, non, pour moi, ça vaut 10 secondes, hein, ça vaut pas plus. Et donc, Verstappen, il prend quoi, du coup, au départ, si on achète sur aussi 10 si secondes. On réadapte 10 secondes. Non, mais pour moi, Verstappen doit prendre 5 secondes au départ, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est juste que Lawson doit prendre soit 0, soit 5 secondes. Il ne doit jamais prendre 10 secondes. Et Bortoleto doit prendre ses 10 secondes. Mais oui, effectivement, Bmax, ils avaient fini la digestion, ils préparaient l'apéro, puisqu'ils étaient en fin de course, donc il n'y avait pas le temps de. De l'artificier c'est ça, c'est en train d'allumer les briquets. Énormément de travail. non, mais c'est un peu ridicule. Mais voilà, ça fait chier parce que c'est quand même des gros problèmes. Et en fait, encore une fois, c'est quand même une manœuvre qui est assez dangereuse. Alors évidemment, ça se termine bien parce que les pilotes sont très bons. Mais par principe, ça aurait dû prendre une pénalité quand même. Et non, c'est pas un fait de course malgré tout, parce que y a un pilote qui se rabat sur l'autre et tasse dans le mur en fait. Donc il y a un vrai coupable et une vraie victime dans le truc. Après, je suis totalement d'accord que c'est très compliqué dans ce genre de bataille. Il y a trois pilotes, les pilotes bougent en largeur, etc. Mais encore une fois, on demande ça aux pilotes de Formule 1 parce que ce sont les meilleurs pilotes du monde et c'est la catégorie reine du sport automobile. Donc s'il y a bien des pilotes parmi tous les pilotes dans le monde qui sont capables de faire d'éviter ça, c'est normalement eux. Voilà. C'est juste ça, comme dit Yves, Verstappen 0, Lawson 0, Bortoletto 10, Ocon 1 minute, tradition FIA. Hein. Évidemment, c'est... Le pauvre. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu... Gasly, suspension de course. Oui, évidemment. Mais c'est vrai qu'on passe, on passe pas loin d'un gros carton avec cette manœuvre qui finit quand même plutôt bien. Et en parlant de Gasly, on va finir par Alpine. Qui, ah, ça faisait longtemps qu'il n'était pas dernier. Oui, c'est vrai. Il ne marque pas de points, alors évidemment, c'est pas, ça aurait clairement pu jouer autrement, hein, puisque donc Doohan termine 17e, week-end un peu compliqué pour lui. Gasly abandonne, mais après s'être qualifié dans le top 10. Et évidemment, on imagine que sans cet abandon, Gasly aurait largement joué au niveau des Williams, hein, puisque comme l'a dit Albon, d'ailleurs, il a dit la stratégie qu'on a faite face à Hadjar, c'est celle qui était prévue pour essayer de terminer devant Gasly. Donc voilà, c'est clair et net. Gasly jouait au niveau des Williams, il aurait joué entre la 8e et la 10e place sans son abandon. Ce qui est plutôt positif malgré tout, parce que ça veut dire que l'Alpine est quand même de retour dans le match après un début de saison compliqué. Gasly fait premier des essais libres. Hein. Et Gasly fait premier quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est. Et puis, ouais, globalement, il y a du rythme. Il a trouvé des bons chronos à tous les moments du week-end. Et ça, c'est quand même très positif. De quoi voir un peu plus la lumière au bout du tunnel pour lui et Alpine. Doohan, ça a été un peu plus compliqué, paradoxalement. Là où il était plus proche dans les week-ends d'avant, ce week-end, ça a été un peu plus difficile en termes d'écart avec Gasly. Ouais, très décevant, Doohan. Hein. Désolé, mais moi, je l'ai trouvé quand même très décevant. En qualif, bon, l'écart n'est pas énorme sur Gasly, à peu près 3-4 dixièmes, mais ensuite, la course, bah, il fait partie des pilotes qui essaient de s'arrêter très vite, ouais. Et à partir de là, c'est un peu foutu. Mais on est sur un de ses moins bons Grand Prix, clairement, Doohan, donc j'ai l'impression qu'il manque quand même un meilleur pilote dans la deuxième Alpine, et que ça reste court. J'ai un peu le même avis, c'est pas mal ce qu'il fait Doohan, mais effectivement, c'est short, je pense que avoir sur encore quelques courses, mais effectivement dans les duos et parmi les jeunes pilotes, quand on voit ce que font des Antonelli, même Bortoletto face à Hülkenberg, qui est quand même pas mauvais globalement, ou Berman face à Ocon, c'est vrai que ce que fait Doohan face à Gasly, c'est un peu short, même si encore une fois il a la pression derrière lui qui doit pas être facile à gérer. Le fait est que c'est un peu difficile au niveau des performances de Doohan, même s'il y avait un peu mieux à Bahreïn. Malgré tout, Jeddah est quand même un circuit assez compliqué, donc on va voir à Miami s'il y a un peu plus de mieux, enfin s'il y a un peu de mieux de son côté par rapport à Gasly. Je sais pas, toi Franck, ce que t'en penses de Doohan. Est-ce que tu penses qu'il faut lui laisser un peu plus de temps quand même, ou est-ce que tu penses que ça commence déjà à devenir un peu compliqué? Bah, je sais pas, il a des éclairs un petit peu de performance de temps en temps, de rythme de course qui est là, et puis le week-end d'après ou la séance d'après, c'est plus là, donc c'est un petit peu déroutant. Alors peut-être qu'il a aussi la pression de ne pas non plus se sortir à Jeddah quand même, parce que je pense que pas mal de pilotes rookies se disent que voilà, sortir à Jeddah, casser la voiture, c'est jamais très bon. On sait bien ce qui est arrivé avec Mick Schumacher notamment, voilà, c'est assez vite catalogué en fait. Voilà, pilote qui casse des voitures. Il y en a déjà cassé une au Japon. S'il en avait cassé une autre, je pense à Jeddah, je pense que là pour le coup, ça aurait fait très très mal pour la suite de sa carrière. Donc est-ce que quelque part dans sa tête, il n'y avait pas cette épée de Damoclès un petit peu sur le fait qu'il fallait vraiment faire un week-end propre sans casser la voiture? Peut-être que ça a dû jouer, je pense. Et comme il a dû voir qu'effectivement en termes de rythme, bah il n'y était pas trop par rapport à Pierre, qui lui par contre était vraiment dedans. Peut-être qu'effectivement il a peut-être un petit frein psychologique sur le fait d'aller trop chercher les limites sur ce circuit qui est très piégeux et où on peut se faire très mal aussi. Donc voilà, j'ai envie de dire. Puisque ses patrons ont publiquement dit qu'il avait son soutien, bah, que j'espère que ça va continuer. Miami ne sera pas non plus facile, hein, parce que Miami, ça reste aussi un circuit urbain avec des murs à gauche et à droite. Un peu moins dangereux, on va dire, que Jeddah. Mais ouais, moi, j'ai plutôt hâte de le voir effectivement sur des circuits plus traditionnels aussi. Hein, donc j'espère qu'il tiendra jusque-là. Donc voilà, Imola, Barcelone, ce genre de choses. Voir effectivement ce qu'il peut donner sur ce genre de circuit, quoi. C'est ça. Et après, c'est vrai que si ça continue à être le même genre d'écart, à mon avis, il C'est ne ça. passera pas la pause estivale, je pense. C'est ça. Mais bon, après, c'est malheureusement, Douane, son destin, on le connaît. La question, c'est pas plutôt, c'est pas si, mais plutôt quand. Et voilà, et effectivement, avec Colapinto derrière Comme qui d'ailleurs c'est ce que Zach Brown pas a dit aussi pour un accrochage entre Norris et Piastri, oui. c'est pas si, mais c'est quand. Et ils ont hâte d'ailleurs d'être voilà, de l'avoir fait. Un peu comme Mercedes en 2016 en Espagne, je pense que ils ont hâte que ça arrive la première fois, qu'on pose bien les bases et puis que puis ça se reproduise plus. Mais il faut qu'ils fassent comme Mercedes avait fait à l'époque, hein. Si tu veux Oui, calmer oui. tes pilotes, tu leur dis, je vous préviens, si vous faites des dégâts en vous accrochant, c'est vous qui payez la somme. Et ben, enfin, en tout cas, c'est retenu sur salaire. Et franchement, je pense que ça va les calmer. Mais après, c'est vrai que, bon, Mercedes, on se rappelle de 2016, il y a quand même deux accrochages en 2016, il y a aussi l'Autriche déjà. Et il y avait aussi un accrochage en 2014 à Spa-Francorchamps, donc il y avait un petit peu de passif déjà entre les deux. Mais voilà, après, oui, je pense que ça arrivera fatalement entre les pilotes McLaren. Pas forcément un accrochage avec double abandon, mais au moins un pilote qui se retrouve avec une crevaison ou l'autre qui se casse un aileron, voilà, une chose comme ça, quoi. Un tonneau! Un tonneau! Non, mais effectivement, ça pourrait. Alors, est-ce que la question, c'est est-ce que si les deux McLaren s'accrochent, est-ce que c'est encore Verstappen qui va gagner? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était comme ça qu'il a signé sa première victoire chez Red Bull, pour sa première course chez Red Bull d'ailleurs. Donc, c'est un peu la Mercedes. question. Hamilton, peut-être le petit rookie chez Ferrari, je le vois bien, le petit rookie là, Hamilton. Les Lewis H, là, je sais pas qui c'est, mais Lewis H. Je pense qu'il. Il est encore trop inconstant, mais ça va venir. Ouais, ça va venir, ouais, je pense que. Est-ce qu'il va passer la pause estivale, Lewis H? Colapinto va le remplacer. Déjà Novik. Non, mais c'est vrai que. C'est vrai que ça. Oui, chez McLaren, ça peut finir comme ça, évidemment. Le rookie Alonso. Le rookie Alonso, il est pas mal. Hein. Je pense que bon, il pas est encore un peu encore, dans hein. l'ombre de Stroll. Il y a Stroll à 10 points, lui, il en a pas, C'est ça. Mais ça va venir. Hein. C'est vrai. Après, bon, Stroll, il est solide. Ça fait quand même 9 saisons qu'il est là, donc forcément, enfin 8 saisons, donc c'est normal. Hein. C'est pas facile pour un débutant. On ne peut rien contre l'expérience. Hachoum demande une statistique qui serait intéressante. C'est combien de pilotes n'ont pas fini une saison? Dans toute la saison, alors j'ai pas compris si tu peux spécifier exactement. Ah, de... Ah bah il y en a plein. Ah bah oui, non, ça, il y en a beaucoup qu'on peut finir de saison. Oui. Alors, déjà à l'époque, il faut bien se rendre compte que dans les années 90. Sargent l'an dernier hein, déjà. Voilà, déjà. C'est vrai que c'est devenu plus rare quand même. Hein. C'est devenu plus rare, ouais. C'est ça. Il n'y a plus de pilote payant, on va dire. Ocon l'an dernier. Et oui, effectivement. Remplacé par le prometteur Douane, hein, évidemment, en qui Alpine misait absolument tout. Ricciardo, il y a eu De Vries, effectivement. Il y a eu plusieurs pilotes comme ça qui n'ont pas fini. Il y a Mais eu, beaucoup moins ces dernières années, quand même, que. Ouais. Ne serait-ce qu'il y a 10 ans, quoi. Jochen Rindt aussi. Oh. Ouf. Ayrton Senna nous dit John Smith, donc effectivement. Non, mais sans parler des drames, évidemment, il y a eu Yuji Hide, hein, qui a eu sa super licence suspendue parce qu'il était trop dangereux en 2006. Il y a eu bah, Kline et Liuzzi qui se sont fait dégager par Red Bull en cours de saison, déjà à l'époque, en 2005 et 2006 respectivement. Guersuari, Speed, Bourdais. Voilà. Le point commun, c'est Helmut Marko, hein, évidemment, qui dégage ses pilotes à tour de bras. Ou dans des équipes qui n'avaient pas de budget, Arianto, etc. Voilà, on se rappelle de Flavio Briatore qui dégage Trulli avant la fin de saison. On se rappelle de BMW qui dégage Villeneuve avant la fin de saison. Voilà, il y a eu pas mal d'exemples qui ont été faits. Et puis évidemment, dans les années 90, il ne faut pas oublier qu'il y avait des équipes comme Pacific, Forti, Simtech qui signaient des pilotes quasiment course après course et qui dégageaient des Canadiens qui avaient plus de budget. Ça a été aussi le cas de HRT entre 2010 et 2012. HRT a eu 4 pilotes en 2010 ou 5. Il y a eu Kline, Senna, il y a eu. Non, il y en a eu 4, je crois. Mais bon, c'est quand même beaucoup. Et voilà, donc après, ça dépend évidemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans une F1 qui a des équipes solides financièrement, ça se joue essentiellement à deux raisons. Les pilotes qui ne finissent pas la saison, les deux raisons étant Flavio Briatore et Helmut Marko. Voilà. Donc, mais oui, non, il y a eu beaucoup dans le passé. Évidemment, ce n'a rien à voir avec la performance du pilote, bien sûr. Non, non, évidemment. C'est tout à voir avec les caractères, avec les décisions d'Helmut Marko. Puisque je rappelle que ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand un pilote est assuré d'aller jusqu'à la fin de saison, Helmut Marko dit, ça ne se passera pas comme ça. voilà, on finit en tout cas avec sur ces bonnes paroles ce débriefing de Jeddah. On va évidemment passer à la séquence qui nous fait mal à nous, puisque on va reprendre nos pronostics qu'on avait fait avant le week-end, hein, qu'on vous avait dit la semaine dernière. Franck, tu avais parié Leclerc, Piastri, Norris. Tu as donc deux pilotes mal placés. Mais j'avais dit clairement que je voyais Piastri prendre l'avantage. Et, oui. Ce coup. Et Leclerc, évidemment, c'était le choix du cœur. Mais, ouais. Alors, Alex, je suis navré de t'annoncer que tu avais choisi Russell, Hamilton, Norris. Et que tu as donc à zéro pointé. Il avait les pilotes du top 6, lui. tu avais fait ça avec Panache et on peut te saluer pour ça. Et moi, j'avais choisi Norris, Leclerc, Piastri. J'ai deux pilotes mal placés également, mais un peu plus mal placés que ceux de Franck. Donc, Franck, tu es le vainqueur de cette semaine. Nexenoso, tu ne ferais pas un pronostic sur quel membre de la FIA va se barrer d'ici au prochain Grand Prix? Alors ça c'est compliqué parce que à part Ben Sulayem, tout le monde est éligible. Surtout il n'y a plus personne déjà. Merde. Je sais pas, le cuistot. Ouais, c'est ça. Non, j'en ai marre de tenir des listes, hein, c'est un boulot à plein temps. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est comme l'Excel avant chez Williams, c'est comme Excel centralisé. Nous avons évidemment les pronostics pour Miami, c'est que dans deux semaines, comme disent certains médias, il y a une grande pause avant. Mais nous avons déjà pronostiqué nos. Enfin, moi, j'ai pas encore donné le mien, mais je l'ai écrit, hein, donc je vous rassure, je vais vous le donner. Ah oui, tiens, c'est vrai ça. Ouais. Franck a mis Piastri, Leclerc, Verstappen. Ouais, apparemment, tu as dit que. Piastri est sur une bonne lancée. Pour toi, Norris, c'est finito. Non, je n'ai pas dit ça. Ah, mais laisse-moi tirer des conclusions hâtives, s'il te plaît. Et Alex a dit Norris, Piastri, Verstappen. Donc toi, c'est Ferrari qui est finito. C'est Piastri qui est finito. Et moi, j'ai noté Norris, Piastri, Russell. Donc moi, c'est Verstappen qui est finito. Évidemment, chacun son... Non, moi, pour moi, je vois Norris gagner à Miami comme l'an dernier, devant Piastri et Russell, parce que j'ai envie que Mercedes fasse un bon résultat. Mais effectivement, c'est un peu proche du tien, Alex. Je vois quand même un doublé McLaren sur un circuit où l'économie des pneus arrière va être quand même assez cruciale, je pense. C'est un week-end sprint, hein, n'oublie pas. Donc... Oui, exact. Ah oui, qui va gagner le sprint, du coup? Ah. Ah. Et ben moi, je dis victoire de Piastri devant Hamilton et Norris au sprint. Ah ouais, Hamilton. Faut bien qu'il réussisse quelque chose. Allez, re-Hamilton devant Piastri et Norris. Histoire de dire, tiens, il va se faire des sprints cette année. il va se faire un grand chelem de sprints. C'est ça, un grand chelem de sprints. Puis il sort de frustrer, tu sais. 6 victoires, 6 sprints, mais c'est que des sprints. Comme quoi, si toutes les courses faisaient 100 km, il serait peut-être tout le temps devant. Bah, c'est vieux. Hein. Doublé McLaren, mais dans l'autre sens. Piastri, Norris, Leclerc. Ouais. Ou alors on aura un doublé Adjar Lawson, puisqu'il n'y a pas d'élément stratégique dans les sprints, donc forcément ça peut aider. Je taquine évidemment, ce n'est pas du tout une attaque personnelle contre les stratèges de Racing. J'aimerais quand même Pierre Gasly faire peut-être une petite surprise quand même. C'est possible. Pas impossible. Et évidemment, vous aurez le temps d'ici là de découvrir les 72 casques spéciaux que vont porter les 20 pilotes pendant le week-end et les 12 livrées spéciales que les 10 équipes apporteront pour les différentes séances du week-end, puisque c'est souvent le cas à Miami, hein, on ne sait pas pourquoi, mais c'est devenu un Grand Prix où tout le monde sort. Alors évidemment, toutes les livrées et casques spéciaux seront bleu et rose, hein, c'est les couleurs classiques de Miami. Mais voilà, donc ça arrive. Elle a l'air blasée. Alpine n'a rien besoin de changer. Ça se voit. Alpine n'a rien besoin de changer, finalement, du coup. Oui, eux, c'est une livrée Miami toute l'année. C'est parti. Et non, Yves, je pense que Red Bull ne repassera pas sur sa livrée blanche. Tu peux regarder les Racing Bulls, si ça t'intéresse, c'est à peu près la même. Donc voilà. En tout cas, évidemment, on se retrouvera dans deux semaines. On va enfin faire une petite pause, une grande pause pour certains. En ne faisant pas d'émission la semaine prochaine, puisqu'il n'y aura pas de Grand Prix. On se retrouve dans deux semaines. Alors évidemment, vous pourrez suivre toute l'actualité sur Next Gen Auto d'ici là, comme d'habitude. Le week-end sera à suivre avec des horaires particulièrement tardifs, puisque les journées commenceront globalement aux alentours de 18h le vendredi et le samedi. J'ai plus les horaires exacts. Et le Grand Prix sera à 22h le dimanche. 18h le jeudi aussi, du coup. Hein, pour évidemment, pour la journée média, que vous pourrez suivre comme d'habitude sur Next Gen Auto. Pour les couches tôt, ne vous inquiétez pas, vous pourrez nous retrouver toutes les news le lendemain matin. On les efface pas pendant la nuit. Non, c'est ça. Ah, perdu, il fallait être là. Non, évidemment, voilà, vous pourrez rattraper tout ça. Et puis, donc la course à 22h sera un petit peu tard. Le sprint sera donc à 18h, je pense, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, on vous donnera évidemment tous les horaires. Et puis, les qualifs auront lieu aussi le samedi soir. Donc, ça va être des horaires assez tardifs, évidemment, pour nous aussi, puisque rappelez-vous que nous avons à peu près 2 heures de boulot derrière les séances. Voilà. Grand Prix lundi à 23h, nous demande James Smith. Oui, c'est ça, on s'adaptera aux horaires. Après, c'est des horaires très bien pour les gens qui font des choses en journée, qui rentrent du boulot et qui se mettent devant la F1. Hein. Exactement. Notamment pour eux, c'est vraiment bien. Le dimanche, ça permet effectivement d'avoir une journée complète tranquille. Même pour nous, c'est pas déplaisant. Non. Et puis, voilà, ce sera un peu plus... Donc Manu est un oiseau de nuit, qu'il aime bien travailler la nuit. Donc... Exactement, moi ça me va très bien. C'est ça. Et donc voilà. Pas besoin de mettre un réveil du coup. Non, c'est ça. Enfin, il faut espérer quand même. Parce que... non, ça va, 22h normalement je suis debout. Donc voilà, en tout cas, d'ici là, évidemment, on vous souhaite à tous de bien vous porter, de continuer à suivre l'actualité avec nous, hein, parce que c'est important aussi de regarder ce qui se passe sur Next Gen Auto. Normalement, il n'y aura pas de licenciement de pilote, mais on n'est jamais à l'abri non plus que quelqu'un prenne une mauvaise décision. Bah, Colapinto à Miami, c'est vrai qu'on en parlait, mais bon. Bah, c'était mon pari, mais apparemment, celui-là, j'avais pas mis d'argent dessus, j'ai bien fait. Mais effectivement, dans Douane, devrait avoir au moins quelques courses supplémentaires. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes et tous dans le chat et puis pour les personnes qui nous regardent sans intervenir. Merci Franck, merci Alex pour ce 4e débriefing de suite, hein, puisqu'on a enchaîné 4 émissions en 4 semaines. On va prendre effectivement un lundi de repos de notre côté, enfin repos en tout cas en termes d'émissions. Et puis on vous dit à dans 2 semaines. Portez-vous bien et on se donne rendez-vous pour Miami. Ciao, ciao, à bientôt. Bye bye. Ciao.